Salut, ici Sébastien Richet du Best Podcast Ever et vous écoutez le merveilleux podcast qui s'appelle Horror Gamer. Si je suis ici pour vous déranger avant votre podcast favori qui parle de films d'horreur, c'est parce que je veux faire la promotion de notre 50e épisode qui aura lieu très bientôt. Si vous voulez nous écouter, c'est facile, on est sur iTunes et RZO avec le nom du Best Podcast Ever. Ça va être un show qui va être trippant, il va y avoir plein de choses qui vont arriver, fait que je vous conseille de l'écouter. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir nous suivre sur Facebook et Twitter avec le nom de LBPDCE. Bon show! Ah, hey, il y a un touche-pénis à maintenant en plus dans le film. Hein? Il y a un touche-pénis? Ben, il y a quand même le petit gars tout nu à la fin. Là. Non, il y a un touche-pénis. Non, c'est parce que quand elle coupe le zizi du bébé. Elle vient pour prendre son avec le couteau, c'est ça qu'elle va couper. Elle parle de The Witches. Ok. Ben dans The Witch aussi. Tabarnouche, man. On n'a pas vu le même film. C'est quoi le touche-papi? Pourquoi tu n'as pas parlé? Ben là, c'est rendu extrême. Mais c'est quand qu'ils couchent tous à la table, il y en a une qui le frotte juste les cuisses, puis elle fait un touche-pénis à un moment donné, puis j'étais comme, what? Ah, il touche son pénis. Il faudrait c'est faire la même une qui offre du chocolat. C'est la même qui offre du chocolat puis qui a un serpent. Fait qu'elle a vraiment un désir pour le jeune Luc. Ouais, elle veut y casser le serpent. Elle veut y voir la petite couleur. Jeff, tu mets pas ça dans le show. Hein. Non, juste pour les VIP. Je mets ça à la fin. Oui. Juste pour les VIP qui payent du Patreon. Ils peuvent m'entendre parler de pénis. D'accord. Bonsoir, bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne nuit et bienvenue à cet épisode 59 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro et aujourd'hui, j'ai une équipe qui a sûrement fait un pacte avec le diable et j'ai nommé tout d'abord celui qui a voulu être comme Iron Man et a plutôt eu la forme physique pour courir le Iron Man. Jean-François Tremblay est avec nous. Salut Jean-François. Je suis Iron Man. Salut. Ça va? Oui, ça va toi? Qu'est-ce que tu nous bois là? Je te vois avec une bonne bière. C'est de la brasserie Bose. C'est en Ontario. Puis c'est une IPA. Il n'y a pas vraiment de nom. Il y en a un, mais je ne le trouve pas. Il y a tous des beaux dessins sur le bouteille, mais il y a pas de, le nom n'est pas tout en évidence. Fait que, c'est cela. On a aussi celui qui a fait un pacte avec le diable pour qu'une journée ait maintenant 27 heures afin d'écouter tous les films qu'il achète. Steven Lefrançois est avec nous. Salut Steven. Salut Sébastien. Hey, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Oh, mais comment vont les ventes de garage? Va très bien. J'arrête pas d'acheter plein de choses. J'essaie d'avoir un accent bizarre comme dans le film The Witch, mais je ne suis pas capable. J'espère, parce que ça serait lourd. Et on a finalement celle qui a signé un contrat avec des avocats. Donc, moi, je considère que c'est un pacte avec des diables. Vicky Langlois est avec nous. Tellement! Hey, puis le pire, c'est qu'on fait un épisode sur les sorcières. Fait que l'altération Vicky, fille, sorcière aurait été facile, mais j'aime bien mieux mon pacte avec le diable avec mon pacte avec des avocats. J'avais pas pensé, mais c'est, non, je trouvais ça c'est trop vrai. Gros. Yeah. Comment vas-tu, Vicky? Hey, ça va bien. Mieux que la semaine passée, j'étais fucking malade. Là. Ah oui, toi, tu survis? Oui, oui, vraiment. Ouais. Fatigué, Moutou, j'ai fait des ventes de garage, pas pour les mêmes affaires, mais oui. Et tu nous as montré que tu avais un écran géant maintenant, ou en tout cas un mur géant, ouais. Noir. Un mur, il a été peint 25 pieds de long par 15 pieds de haut, peint en noir, prêt à accueillir l'écran. Combien de couches? Hey, ça n'a pas été si peint que ça, je m'attendais à du 3 couches finalement, 2 couches tout simplement, comme right through, bien été. Excellent. En fait, elle voulait que c'est un portail vers l'enfer, Vicky, que tu es en train de faire là. Ah oui, vers mon enfer, c'est mon resto, c'est mon enfer. Je suis sûr qu'il y a une des briques que tu peux peser dessus. Ah oui, ça se défait. Il y a juste moi qui le sais. Ah oui. Il y a David Bowie qui danse en collant derrière. Je suis tellement pas labyrinthe en plus. Ah oui? touche plus à Angelica Houston qui cache son masque derrière mon écran. Je sais pas quoi tu fais référence. Non, je comprends pas non plus. C'est pas le genre d'affaire qu'on remarque. C'est pas le genre d'affaire qu'on remarque. C'est assez anecdotique. En tout cas, hey, pour ceux qui l'auraient pas deviné, ce soir, on a un épisode spécial sur les sorcières. On va revenir à la conclusion, mais je suis content qu'on parle de sorcières parce que je me rends compte que finalement, il n'y en a pas tant que ça des films de sorcières. Là. C'est pas comme on va chercher des films de vampires et on va sortir des noms toute la soirée. Là. Des films de sorcières, ça ne court pas les rues. Et des bons films de sorcières, on verra. Il y en a peut-être des bons, mais il y en a peut-être des moins bons. On saura. Ah, mais je veux rien dire. Et sur ça, à moins que vous ayez quelque chose à dire pour votre défense, je crois qu'on pourrait commencer l'épisode maintenant. Ouh, yeah! Alors, les gars, on se calme, on se concentre. On m'a demandé de résumer le film Witch qui est sorti cette année. En fait, vous le savez sûrement, auditeur d'Horror Gamer, quand c'est moi qui résume les films, je suis vraiment pas scène à scène. Hein. C'est 3-4 lignes très expéditives, déjà en partant quand je résume un film. Même s'il y a beaucoup de scènes, même s'il y a beaucoup de rebondissements, j'y vais très strict to the point. Mais là, avec Witch, ça va être pire que ça parce que c'est vraiment un film que c'est une seule chose qui peut dire l'histoire du film. C'est une famille, un peu Nouvelle-Angleterre, ou en tout cas dans ces régions-là. On est à la période du 18e siècle, si je me souviens bien, ou 17e? 17e. 17e siècle. 1630, pour plus précisément. Et elle se fait bannir de son village. Mais on sait qu'à cette époque, les villages étaient des endroits barricadés. Donc, elle doit vraiment sortir de la région de son village et habiter à l'orée du bois. Se construire à peu près une nouvelle demeure à l'orée du bois pour, on se comprend, des confrontements religieux entre cette famille et le reste du village. Et à l'orée du bois, la famille commence à voir des phénomènes pourrait peut-être provenir de sorcières qui, elles, habitent dans le bois. Le premier phénomène étant la disparition du bébé, du bambin de la famille, et s'ensuit ensuite plusieurs divagations sur est-ce qu'il y a des sorcières ou pas. Et la jeune fille et la plus vieille enfant de la famille a le malheur de vouloir faire peur à son frère et à sa sœur en disant « Ouhouhou, je suis une sorcière, vous devriez faire attention à moi ». Mais c'était un moment de rigolade. Malheureusement, son frère et sa sœur la croient. Et le film vient à être une chasse aux sorcières entre y a-t-il des sorcières dans le bois et y a-t-il une sorcière dans la demeure? Et on en vient vraiment à être bousculé dans nos valeurs morales et ce que nos yeux croient voir et la peur beaucoup qui joue beaucoup dans le film. De, c'est-tu The Witch ou juste Witch? The Witch, The Witch. Quoi? The Witch. The Witch, oui, avec deux V. Avec double V. W, mais au singulier. Mais je pense probablement que le W vient à la forme d'écriture aussi à l'époque. Peut-être. En tout cas, c'était ma théorie. Et bref, donc, on a vraiment affaire à une famille qui est confrontée à des peut-être sorcières. En tant que spectateur, on est un peu plus convaincu que la famille eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, parce que moi, je trouve que c'est vraiment le potentiel scénaristique de l'histoire. Ça reste là. Après ça, on va rajouter, je pense, en donnant notre opinion, je pense. Ouais, c'est ça que je pense également. Good. Ben, hey, alors, on va commencer avec sa critique. Oui, ben moi, The Witch, je n'ai entendu parler à travers certains fans d'horreur dans mon entourage, puis ça avait donné des opinions mitigées. Je pense que tout le monde autour avait entendu parler en bien, mais moi, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit comme ouais, mais capote pas non plus. Je me disais, OK, c'est bon, je vais garder mes attentes plus basses. Et j'aurais pu les monter, là, mes attentes, là, parce que je pense pas que ça aurait scrappé quoi que ce soit dans mon appréciation de ce film qui m'a, par ma foi, vraiment agréablement surpris. J'ai essayé d'en savoir le moins possible sur ce film parce que je trouvais que quand j'avais commencé à voir la bande-annonce, j'étais comme, c'est le genre de bande-annonce fucky qui montre plein d'éléments, puis que si tu la vois trop... trop tout de suite après avoir vu, avant de voir le film, tu vas retenir des images, puis ça va peut-être te dévoiler des punchs. Alors, je reste très loin de cette bande annonce, bien qu'elle soit assez mystérieuse. Mais C'est ça, moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que non seulement, oui, c'est une histoire de sorcière, mais c'est beaucoup une histoire aussi de comment cette famille-là peut finir par se détruire à travers tout ce... ces événements plus ou moins surnaturels, et à quel point que leur religion, bien que ça devrait être quelque chose qui leur vient en aide, devient finalement quelque chose qui va les détruire. Parce que on s'entend que, oui, la sorcière, ou en tout cas la créature qui est dans la forêt, est dangereuse. Je pense que cette famille, entre eux, sont très dangereux aussi. Et ça vient pas mal de leurs croyances religieuses. Le père qui est très, très fier de ses croyances, qui n'ira jamais s'excuser vis-à-vis le village, même s'il voit très bien que sa famille est en train d'être en trouble par tout ça. Tu sais, qui pourrait peut-être aller s'excuser et dire hey, on pourrait-tu rentrer au village là, parce que ça va pas bien nos affaires, on est en train de mourir là. Non, tu sais, il va plier sur son orgueil puis il va préférer faire souffrir sa famille plutôt que d'admettre qu'il a tort. La mère qui rapidement va se mettre à en vouloir à sa fille qui est en train de devenir une adulte, comme s'il fallait qu'elle se débarrasse de sa fille qui est comme un être méchant là-dedans. Le grand frère qui se met à avoir des désirs plus ou moins sexuels pour sa grande sœur. Il n'y a personne de vraiment très, très clean là-dedans. Même les deux petits jumeaux que tu te dis, eux autres sont pas clean non plus. Il n'y a personne qui est vertueux dans cette famille-là, bien qu'ils soient des hyper religieux et tout ça, et Dieu va nous pardonner même si on a commis des péchés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait triper la dynamique dans cette famille-là, une dynamique qu'on n'est pas habitué d'avoir. Mais ça reste que le film repose aussi beaucoup sur sa direction photo et sa cinématographie qui sont vraiment incroyables. Sa réalisation est très, très bonne. Roger Ebert, qui s'appelle. Ouais, c'est comme bizarre là, parce que ça sonne trop comme le critique populaire, là, le réalisateur du film. Là, C'est Rogers Eggers, je crois. Robert Eggers. Robert Eggers. Oui, c'est ça devient mélangeant à cause du... C'est quoi le critique? Roger Ebert? Roger Ebert, mais il est mort. Oui, fait que là, lui, c'est Robert Eggers. ça devient vraiment mêlant. Et c'est ça, c'est son premier long-métrage, si je ne m'abuse, corrigez-moi, ouais. Mais c'est, ouais, c'est son premier long-métrage. Et sérieusement, pour un premier long-métrage, je trouve que le gars a eu des belles idées, des beaux plans. C'est la première fois que j'écoute vraiment un film de cette époque-là, des années 1630, tout ça, où ce que ces années-là sont pas romancées. Tu sais, là, où ce que c'est pas propre. Ça n'a pas de l'air propre. Puis, tu sais, jamais j'ai l'impression qu'il essaie de se rendre ça plus beau que ça l'était, là, tu sais, là. C'est glamour. Ouais, c'est ça, exactement, là. Donc, c'est pas le fun. Puis, tu sais, tu vois que ce monde-là, le vie, c'est se lever, manger, travailler sur la terre, prier, manger, puis se recoucher. Tu sais, tu te dis, hey, c'était ça la vie à l'époque, là, tu sais. Il n'y a rien de glamour, comme tu dis, Vicky. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a frappé rapidement, puis j'ai trouvé ça génial. Beaucoup d'éclairage naturel dans le film, ça paraît, ça donne vraiment des couleurs, le fun au film. On dirait, j'écoutais ce film-là, puis on aurait dit qu'il y avait l'humidité, c'était 90%, puis il faisait 10 degrés. Là. Tu sais, frette puis humide, là, on dirait que c'est ça tout le long du film, là. Il y a une ambiance, puis elle est palpable. Là. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis même si, bon, tu l'as dit, Vicky, on voit rapidement la sorcière, là, quand le petit frère disparaît, il n'y a pas de mystère pour nous, et c'est vraiment fait enlever par une sorcière, et on connaît rapidement son sort. Parce que ça arrive dans peut-être les 5-10 premières minutes du film. Par la suite, le bébé, ouais. C'est ça. Puis par la suite, le film va y aller... pas dans la suggestion, mais juste dans nous présenter la forêt autour comme quelque chose de vraiment envahissant, quelque chose de vraiment pesant autour. Là. Quand on regarde la forêt, on dirait qu'on est capable de distinguer deux ou trois rangées d'arbres, puis après ça, c'est le noir total. Là, on dirait que cette forêt-là est dense, puis tu peux pas rentrer là-dedans en espérant t'en sortir. Puis C'est ce que le film Le Village n'avait pas réussi à faire, d'ailleurs. Si on essaie de faire un parallèle, Le Village n'avait pas réussi à nous faire faire ça. Sorry, Shyamalan. Sorry, Shyamalan. Tu nous as rattrapé avec la visite, fait qu'on peut taper sur tes anciens navets. Mais non, c'est ça. J'ai trouvé que ce film-là avait vraiment des belles qualités au niveau de sa réalisation. Il y a peut-être le scénario pour certains qui vont... ça va les rebuter un peu parce que le rythme n'y est pas toujours, tu sais. Puis les rebondissements sont pas toujours là, mais j'ai trouvé que la dynamique de la famille était tellement tripante que... Puis tout le dilemme intérieur puis par rapport à la religion, tout ça, était assez intéressant pour me garder captivé. Puis c'est pas un film qui... j'ai entendu du monde dire c'est le Babadook puis c'est le It Follows de cette année. Je comprends un peu ce que le monde veut le dire, là, le film sorti de nulle part par un réalisateur. Moi, j'allais noter que je vais le défendre, ça. J'ai exactement noté ça, c'est le Babadook et le It Follows, mais, je vais le mais je comprends, sauf que, tu sais, admettons comme un Babadook ou un It Follows, il me faisait peur pendant le film. Ce film-là avait plutôt juste quelque chose qui grandissait. Tu sais, j'ai commencé à écouter le film bien couché, bien couché sur mon divan. À un moment donné, je me rends compte que j'étais obligé de m'asseoir. Puis que là, j'étais rendu sur le bout de mon siège. Mais jamais j'ai comme fait « Oh mon Dieu! Mais non, c'est comme... Le film finissait par me posséder. Puis tu sais, j'étais comme juste pas capable de l'arrêter. Puis j'étais juste pas capable de quitter mes yeux de ce film-là. C'était vraiment... C'était prenant. J'ai trouvé ça génial. Les acteurs... Pour des acteurs qui doivent jouer un anglais très vieux, j'ai trouvé qu'on dirait qu'ils ont toujours parlé cette langue-là. Ça devient naturel. Surtout le père. Écoute, même si on a besoin de sous-titres en écoutant ce film-là, jamais ça a été quelque chose qui m'a gossé. J'ai trouvé même que ça ajoutait au film, ça ajoutait à l'authenticité du film. Et on va se garder une section spoilers pour la fin parce que quand même, il y a un vraiment, c'est une finale qui je pense qui est un peu qui va diviser les gens. Mais c'est un bijou de film. J'y pense encore. Ça fait une semaine que je l'ai vu. Puis je le dis, là, moi aussi, c'est mon Babadook, mon It Follows de cette année. Là. C'est mon film sorti de nulle part que je trippe puis que. Je vais conseiller à mes amis qui ne sont pas des fans d'horreur, mais des fans de films. Le cinéma en général, je vais lui dire, écoutez ça, là, vous allez avoir devant vous un beau petit bonbon. Et non, c'est ça. C'est The Witch, ça m'a envoûté. Hey, Steven. Steven. Oui. Tu veux-tu y aller? Ben oui, il n'y a pas de problème, mon cher Sébastien. Eh bien, moi, The Witch, je l'ai vu au cinéma. Je ne me rappelle plus quand. En fait, je pense que dans les premiers films que j'ai vus cette année, j'avais très hâte parce que le film veut pas, il y a une putain de réputation. Tout le monde a entendu parler. Ça a fait son buzz au festival de Sundance. Puis, ben oui, en effet, c'est le Babadook et It Follows cette année. Pas dans le sens que c'est le petit film qui sort de nulle part, mais plus que c'est l'événement horrifique de cette année qui marque, qui fait le buzz. Mais aussi, qu'en tant que tel, on pourrait quasiment les relier en tant que tel. Tu sais, c'est trois films avec un personnage féminin qui va avoir droit à un changement et un côté psychologique qui va faire avancer les choses. Je ne veux pas forcément relier tout ça. J'ai l'impression que Vicky elle a comme une idée derrière la tête puis je vais y laisser parce que je suis gentil comme ça. Mais c'est ça. Pour moi, The Witch, c'est un retour aux sources qui fait grandement du bien. C'est un film qui aurait pu être fait dans les années 70, selon moi, parce que c'est un film qui est dans le mood d'un Roman Polanski. C'est un genre de Rosemary Baby, dans le sens que c'est un film très atmosphérique. C'est lent. C'est film d'auteur, mais c'est pas trop péteux de brou expérimental. La ligne narrative est, en tant que telle, facile à suivre. On s'écarte pas. Il n'y a rien trop de fucké là-dedans. Il n'y a rien de fucké. En fait, c'est un film d'auteur, mais accessible pour le public, mais en même temps d'être complexe. C'est weird dit comme ça, mais il y a beaucoup de contenu dans ce film-là qui peut être analysé et qu'on peut en discuter pendant des heures après le film, comme quelqu'un d'ordinaire peut l'écouter puis juste voir la simplicité puis dire « c'était bon pour X raison ». Tu sais, c'est vraiment pas un film « what the fuck » à la « under the skin », vraiment loin de là. Et c'est un film qui touche à beaucoup de thèmes très intéressants. C'est comme une grosse toile d'araignée. Et la toile principale, c'est la religion. Et c'est un film qu'on aurait pu facilement relier avec The Wicker Man. Ça aurait pu faire un épisode très intéressant. Un film où ça ne glorifie aucunement la religion. Et déjà en partant, la famille a déjà des problèmes à cause de la religion. Ils se font expulser du village parce qu'il y a des conflits religieux entre celui, surtout du père, j'allais dire la famille, mais plus le père, et les habitants du village, ce qui fait en sorte qu'ils vont se retrouver à être bannis. Et ils vont s'en aller vivre près d'une forêt. Et dès le moment qu'ils quittent le village, t'as un plan large de la famille qui s'éloigne, puis t'as juste la forêt dense qui est devant eux, puis t'as une musique stridente d'un violon qui est vraiment malaisante dès le départ. C'est comme, déjà là, on n'est pas à l'aise avec cette forêt-là, puis le réalisateur arrive déjà à nous faire mettre sur un genre de moment vive, ouais. De qui-vive, là, on la trosse pas. C'est là que la famille va s'installer à côté de la forêt. Et chose intéressante, ça prend pas 10 minutes, comme tu le disais, Sébastien, qu'on va nous balancer la sorcière. C'est pas ambigu. Il y en a une. Elle kidnappe le bébé et il arrive quelque chose que, finalement, regarde, c'est pas un gros spoiler, tout le monde va se douter, là. Il arrive quelque chose de gros. Et c'est une manière assez évidente du réalisateur de nous présenter la sorcière comme étant le mal absolu. C'est la forme pure du mal, de qu'est-ce qu'il y a. Et on peut pas se tromper là-dessus. Et ce qui est cool, c'est que la famille qui est religieuse, qui est supposée être les bonnes choses, c'est la bonne voie à suivre, va être juste à côté de cette forêt-là et de cette sorcière-là. Fait que on a comme le bien et le mal qui sont côte à côte. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'ensuite, tout va se jouer sur les événements qui vont se produire, la famille, le côté religieux, mais aussi à nous faire demander si la sorcière, qui est comme vraiment d'une source affreuse, fait vraiment autant de dommages à la famille ou si c'est pas justement leur côté religieux qui est en train d'en faire bien plus que la sorcière. Et c'est vraiment l'aspect qui est vraiment intéressant dans le film qui va nous faire analyser les choses. Le casting, déjà en partant, est vraiment excellent. Moi, j'ai rien à dire. C'est un casting 5 étoiles, que ce soit le père, la mère, les enfants. Souvent, il y en a qui reprochent que les enfants sont so-so dans le film. Pas le plus jeune, pas les deux jumeaux, mais l'autre garçon qui est un peu plus vieux. Oui. Fucking génie, cet acteur-là. Oui, il y a une scène en particulier où il va vivre de quoi de difficile. Il va avoir une longue séquence, un genre de plan-séquence avant qu'il arrive de quoi de big. Et ce jeune-là fait juste jouer son acting sur cette séquence-là. C'est fabuleux. J'étais au cinéma, j'avais la chair de poule. Puis je me disais, fuck, quand le réalisateur il a dit cut après cette scène-là, il a dû se dire, fuck, c'est trop beau. C'est tellement ça que je voulais. Le jeune, il a vraiment une prestation écœurante. Je veux juste revenir parce que tu parlais de religion. Puis j'étais remarqué vite sur les acteurs. Mais ce que j'ai aimé, c'est que oui, tu sais, le film met la religion comme peut-être responsable des maux de cette famille-là. Mais j'ai pas l'impression qu'il tape dessus, tu sais, puis qu'il s'en va dire la religion, c'est mal, tu sais. J'ai vraiment juste l'impression qu'il est en train de nous montrer que cette famille-là utilise la religion de la mauvaise façon, tu sais. Ouais, de façon, oui, vas-y. Non, c'est ça. Donc, vas-y, je pense que tu allais dans le même sens que moi. Ben, j'allais juste dire que le réalisateur laisse aller les choses naturellement. En fait, ouais. Justement, il n'y a pas besoin, comme tu dis, de rien forcer. Puis tout, il va progressivement. Ça n'arrive pas tout d'un coup que grâce à la religion, ah, c'est mal, vous voyez, à cause de ça. Ça y va vraiment petit peu par petit peu que lorsque... Tu sais, tu regardes de nos jours, on en voit là, les problèmes qu'on a avec la religion. Là, c'est autant d'actualité. Là, il y a autant de guerres puis de merde à cause de ça. Puis le réalisateur tente de montrer ça, que c'est là depuis toujours. Là, en 1700, c'était pas différent d'aujourd'hui. En termes de religion, là, c'est autant ancré. Et en même temps, c'est un film que le réalisateur mise beaucoup sur un côté folklorique. Il a fait beaucoup d'études, beaucoup ses devoirs avant de faire le film. Fait qu'il s'inspire même de journal intime qui a pris littéralement des dialogues et des situations qui sont arrivées à travers ces journaux-là. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un film très authentique, non seulement sur l'époque, les vêtements, le langage, mais sur le sujet et justement le côté religion. Je pense qu'en tant que tel, ça devait vraiment ressembler à ça à cette époque-là. J'ai aucunement de doute sur l'authenticité. Et justement, vu qu'on en revient à un film où que ça mise plus sur son authenticité, on est loin du film de sorcière hollywoodien. Ici, on n'a pas de sorcière avec un grand nez long, puis avec un gros maquillage, ou quelque chose qui fait vraiment très Hollywood, très glamour. On est vraiment devant une vieille madame. Moi, ce film-là représente ce qu'une sorcière devrait faire pour faire peur. C'est vraiment une vieille madame qui est en train de se barbouiller d'entrailles puis qui fait des trucs weird, des trucs weird dans une espèce de cabane. Ça a vraiment un côté très crade et très, très glauque. Je pense que c'est la première fois que je vois le mythe de la sorcière traité de cette façon-là. D'habitude, c'est tout le temps un peu léger à la Van Helsing ou Hansel et Gretel. C'est rare qu'on va dans le crade ou dans l'autre avec le thème des sorcières. Puis je trouve ce cool que là, on aille vraiment de ce côté-là. Tu sais, sinon, on en retrouve tout le temps des sorcières très jolies. Je pense entre autres, par exemple, les sorcières d'Eastwick de George Miller ou qu'on a des belles actrices, Michelle Pfeiffer, tout ça. C'est tout le temps des belles sorcières hollywoodiennes au beau physique. Tandis qu'ici, c'est vraiment pas ça. En fait, elle va utiliser le physique plus comme un genre de sortilège pour attirer, mais ça ne représente pas sa vraie image. Puis je trouve ça vraiment intéressant dans le film. Même les sorcières qu'on a eues dans American Horror Story, là, saison de Coven, là, que, je veux dire, ça n'avait rien à voir. Là. Non, aucunement. Évidemment, tout le côté crade et de l'autre du film serait rien sans la réalisation. Jeff, Sébastien, fait pas. Sans la réalisation de Robert Eggers, qui est sa première réalisation, et honnêtement, je crois que ça paraît aucunement. Le gars fait preuve d'une grande maturité et maîtrise dans sa réalisation qui est vraiment déconcertante. Chaque chose est vraiment placée et faite comme il se doit d'être. Chaque regard, chaque hésitation de personnage, le réalisateur ne laisse passer aucun détail, ce qui donne lieu parfois à des combats silencieux, mais qui en disent gros. Je pense notamment à la scène de souper à la famille lorsque, apparemment, une tasse aurait disparu et le blâme s'en vient rapidement sur l'un d'eux. Je trouve que c'est une scène assez forte en émotion et en intensité, alors que globalement, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais c'est la réalisation qui fait toute la job. Puis comme tu disais, Sébastien, la photographie est écœurante. Il y a des plans dans ce film-là qui sont fabuleux, dont un devant la lune durant la nuit. Ce plan-là, c'est un screenshot que je foutrais dans mon fond d'écran de iMac. Là. C'est de toute beauté. Et sinon, je ne veux pas non plus tout dire ce qu'il y a à dire. Je vais laisser Vicky, évidemment, Jeff en parler. Puis on va en parler un peu plus de la fin. Il y a une couple d'éléments que je voulais mentionner par rapport à la fin. Fac. Non, pour moi, The Witch, je trouve qu'il est à la hauteur de son buzz. C'est vraiment un grand film d'horreur. Pour mon moment, moi, c'est mon numéro 1 de cette année. J'ai pas vu Green Room, mais je suis encore curieux de voir s'il va déclasser. C'est un film, évidemment, qui va pas plaire à tout le monde, comme le disait Vicky, Sébastien aussi, mais c'est surtout ça la comparaison de Babadook puis It Follows. Ce sont deux films qui se sont fait aimer et détester par la critique, et The Witch est la même affaire. Ça va être détesté puis aimé par la critique. Quand je l'ai vu au cinéma, on est sorti puis la moitié de la salle avait l'air de vouloir huer par rapport à la fin, puis l'autre moitié avait l'air d'être en extase. Fait que je me dis, ça va dépendre de qu'est-ce que vous aimez dans votre cinéma et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter en termes de lenteur. Pour moi, je trouve pas que le film est très lent. Je trouve que c'est plus une progression de l'époque. Ça va avec ça. Okay, Il arrête plus. Ça fait 25 minutes que Steven y parle. Puis à chaque fois, là, je vais arrêter de dire ça. Mais là, le film, je vais revenir. Mais j'arrête, mais là, il arrête plus. Il est plus arrêtable. Il y a trop de choses à dire. C'est trop bon, ce film-là. Mais bon, OK, je te laisse y aller, Vicky. The Witch est juste... De toute façon, tu vas pas rebondir sur ce que les autres disent. Oui. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, c'est surtout à GF. Non, ah non, c'est vrai, c'est GF. De mon tour. Ben, je sais pas comment je vais pouvoir suivre Seb et Steven parce que... Ouais, OK, ben c'est ça. Parce que moi, je suis... j'ai une drôle de position, mais je suis un peu le Black Philippe du groupe ce soir. Fait que je suis. J'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé ça vraiment plate, The Witch. J'ai regardé là, une semaine et demie, puis j'ai pas voulu le revoir pour l'épisode parce que ça me tentait juste pas. Là, c'est ça. J'ai pas eu de plaisir du tout. J'ai trouvé l'histoire ennuyante. Au contraire de Sébastien, moi, si j'étais assis au début du film, je devais être couché vers la fin parce que je m'emmerdais. Puis, j'y ai pas grand-chose qui m'a intéressé là-dedans. C'est pour ça que je ferai pas une grosse intervention. Là. J'ai pas d'arguments aussi forts que les vôtres. Là, pour tous vos arguments sont bons, mais j'ai juste pas vraiment envie de revoir le film. J'ai trouvé ça vraiment emmerdant. Puis, il se passait rien. Puis, il y avait pas d'horreur. Puis, il y avait rien là-dedans qui m'intéressait tant que ça. Les acteurs étaient bons, là, mais c'était correct. Le scénario, j'ai trouvé trop ennuyant pour m'intéresser, pour même m'accrocher. Fait que Je veux pas vous rendre down avec mon opinion. Que c'est... Mais non, mais... Mais Jeff, je pense que t'avais pas aimé It Follows. Hein? Pas vraiment, non. Mais je pense que j'ai... C'est ça, la fée! Je pense que j'ai plus aimé It Follows. Ouais, mais il aime Babadook. Ah, mais Babadook, j'ai de quoi me raccrocher. Babadook, il y a de quoi de psychologique là-dedans. Il y a une histoire. En tout cas, là, The Witch, j'ai rien, tu sais. Puis de toute façon, je tripe pas ces histoires religieuses tant que ça. Puis... Je sais pas, il n'y a rien qui m'intéresse tant que ça. C'est parce qu'il n'y a pas assez de chansons? Probablement, oui. Ça chante pas assez. Ah oui, il voulait avoir des chansons sur The Wicked Witch. Non, je sais pas comment l'expliquer. Je voudrais être de bonne volonté. Là. J'essaie de l'être, mais je sais pas, j'ai juste pas accroché. Toi, tu me parlais du buzz, Steven. Voilà, au mois de février, je pense, quand tu as vu le film, tu me parlais du film qui avait un gros buzz, puis j'étais comme... Ah bon, j'ai jamais entendu parler, j'ai aucune idée ce que c'est, j'ai pas vu de trailer, j'ai pas entendu parler de nulle part, puis apparemment que ce film-là, c'est un énorme buzz, puis je suis juste pas au courant, là, tu sais. Puis je comprends juste pas s'il y en a eu un, pourquoi, tu sais, je suis comme, c'est bien ordinaire, là, il y a rien de spécial. Pour moi, en tout cas, je vais pas chier là-dessus. C'est ça le podcast, là. Laisse-toi aller si tu veux chier. Non, vraiment pas, j'ai aucune haine envers le film, j'ai juste trouvé plate. On n'est pas en odorama si tu veux chier. Mais c'est pas comme, j'allais dire Pieces, que j'ai vraiment pas aimé, ça c'est juste, ça m'a emmerdé, c'est juste comme, je m'ennuyais, là, tu sais, c'est... La fin, tu sais, il arrive de comme année plus tard avec Black Phillip, puis je suis comme, ah, oh, come on, sérieux, là, puis la fin, puis comme, il n'y a rien qui me plaisait, là, tu sais, puis c'est ça. Voilà, okay. C'est mon opinion. C'est tout aussi simple que ça. Peux-tu dire quelque chose avant que Vicky dise quoi? J'ai parlé avec Marc-Antoine, puis on a fait comment je pourrais dire? La montée de Horrorweb. Ouais, d'Horrorweb, puis on a fait nos paris de qui allait aimer et pas aimer. Moi, j'ai dit, Sébastien va adorer, JF va détester, puis Vicky va adorer aussi. Et pourquoi pourquoi j'allais détester, selon toi? Je le sens. C'est un feeling, premièrement, mais c'est surtout que je me disais que t'allais juste pas accrocher au thème. Parce que il me semble que tu l'avais déjà dit que le côté sorcière puis tous ces films-là, la religion aussi, c'était pas ton truc forcément. Ben, ça dépend. Pourtant, c'est sa saison préférée de American Horror. Oui. Puis tu sais, j'ai écouté les 8 saisons de Bewitched, puis c'est d'autres choses, là. Mais je voulais. Ouais, là, mais tout te plaît, là. Je sais qu'à. Va pas rajouter Bewitched là-dedans, là. Ça va être dans ses recommandations. Non, mais tu sais, regarde, justement, à la fin de l'épisode, on fait des recommandations. C'est ce qu'on. Une nouveauté à Horror Gamer, là. Mais je voulais en profiter pour parler de quelque chose rapidement. Ça sera pas de ma recommandation à la fin, mais je veux juste en parler. Vite. Moi, The Witch, là, je préfère beaucoup plus la série télévisée Salem, qui a déjà 2 saisons de passé. Ça se passe à peu près à la même époque, mais il y a des scènes horrifiques comme j'ai jamais vu dans certains films d'horreur, du même type un peu que la série Hannibal. Là, ça pousse vraiment le truc assez loin. Là. Puis Salem, c'est vraiment trippant. Comme ça explore le mythe de la sorcière, mais de vraiment manière originale. Là, puis, en tout cas, je voulais juste en parler. Si vous cherchez quelque chose, vous avez été comme moi, vous avez pas aimé The Witch, je pense que Salem est plus votre tasse de thé que ce film-là. En même temps, quand je suis allé voir le film The Witch avec 3 amis, et il y en a juste un dans la gang avec moi qui avait aimé, les autres n'ont pas trippé. Puis il y en a un qui reprochait que c'est plate, il n'y avait pas de jumpscare. J'étais comme. La plupart du monde dans l'entourage, dont lui. Faut vraiment que tu arrêtes de parler. J'aimerais ça pouvoir dire quelque chose. Ok, laisse-moi juste finir mon point. C'est pas tout ce que je veux dire. Okay, à chaque fois qu'il rajoute de quoi, c'est pour me voir. Mais je Mais je cherche pas des jumpscares. Non, mais toi non plus, je t'attaque pas, JF, c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire qu'on dirait que sans te viser, JF, mais le monde ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce gars-là reprochait à Annabelle puis tout ça d'être des petits films à jumpscare gratuits. On va voir un film où ça t'offre de l'horreur intelligent sans utiliser du jumpscare facile. Et là, il n'y a pas assez de jumpscare. What the fucking fuck, man? Okay, l'affaire, c'est que là, je m'excuse Vicky, j'arrête dans 2 secondes. Mais je sais que l'horreur, c'est extrêmement subjectif, puis moi, ça m'a juste pas. Ça m'a même affaire avec The Wolfman. Je parlais à la fin, fait que tout le long, j'étais là. Calvaire! C'est ça, parler à la fin. C'est... Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, l'horreur, c'est super subjectif, puis tu sais, ça me fait pas peur. Y a rien... Comme dans It Follows, il n'y a rien qui me fait peur. Dans The Witch, il n'y a rien qui me fait peur. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui me. Pour moi, qui était tendu ou quoi que ce soit. T'sais, oui, j'ai aimé la tension familiale, mais pas au point de dire que c'est un grand, grand film pour moi, que c'est le meilleur film d'horreur de l'année. Là, en tout cas, c'est mon opinion. Mais je pense pas qu'il essaie de faire peur. C'est pas le but de... Ok, vas-y, Vicky, j'ai rien dit. C'est tellement drôle. Il y a Vicky qui est juste là, à chill, à l'attendre. Là. Hey, Vicky, j'ai pas le contrôle sur le micro à Steven, là, mais vas-y. C'est correct, les gars, vous me faites rire. C'est juste que, en fait, parce que c'est pas tant mon appréciation, j'aime ou j'aime pas, qui vient répondre à la question, mais c'est que c'est la première chose qu'on a dit. Puis vous savez, moi, quand je parle souvent, je me positionne pas mieux ou je vais me positionner différemment à vous. C'est que j'ai tendance naturellement à analyser ce que je vois. Et quand je dis que ce film-là me fait penser à Babadook et It Follows, c'est même pas à cause de la vitesse ou du sujet ou juste parce que, comme tu as dit toi, Stan, c'est le petit film d'auteur qu'on voyait pas venir puis qui fait un hit. Si ça avait été ça, j'aurais mis Green Room, justement. Le petit film d'auteur qui fait un hit, j'aurais parlé de Green Room, mais je l'associe pas à Green Room. Pourquoi? Parce que, comme Babadook et It Follows, c'est des films qui ne sont pas graphiques. C'est des films qui vont jouer sur ton imaginaire, qui vont jouer sur l'étouffement du spectateur, sur une espèce d'isolement, sans jamais être dans un huis clos. Tu sais, Babadook, une des scènes qui va le plus nous marquer, c'est la scène du petit gars dans l'auto qui crie à sa mère. On est marqué par des scènes où on est isolé sans être étouffé. Dans Babadook, on est isolé par la famille parce que la mère se retrouve vraiment seule avec son garçon. C'est sa sœur ou sa belle-sœur à qui elle va demander de l'aide et elle se fait vraiment rejeter. Donc Babadook, c'est un isolement par la famille. It Follows, c'est un isolement par les parents. Je me souviens pas d'avoir vu d'adultes dans It Follows. Il n'y en a pas. Fait qu'on est isolé par les parents. Et dans The Witch ici, c'est un isolement de la société. C'est la société qui vient te rejeter. Fait que moi, je trouve que ces trois films-là viennent se rejoindre parce que ce n'est pas des films graphiques, c'est des films où qu'il y a pas où qu'il y a un isolement sans être pris dans un huis clos. C'est pas une pièce qui va cerner, c'est vraiment l'isolement des pères qui va venir cerner nos personnages principaux. Et c'est pourquoi je relis ces films-là à Babadook et It Follows, parce que chaque chose est différente, chaque personne est différente. Et chaque personne va vivre un isolement différent. Il y a des gens qui peuvent être dans un party puis être complètement à l'aise, et d'autres dans un party vont se sentir totalement seuls. D'autres, c'est quand Steven parle qu'ils se sentent totalement seuls. Ils se sentent isolés, là. Quand Steven a le micro, ils se sentent isolés. Donc, ce que je veux dire, c'est que The Witch va venir vous chercher si cet isolement-là de la société va venir vous parler. Moi, c'est mon rapport à ce film-là. Dans It Follows, c'est l'isolement des parents, dans un certain sens, c'est l'espèce d'abandon des parents peut venir te parler. Parce que c'est ce qui peut faire peur. Et dans Babadook, c'est cette espèce d'isolement de la famille, c'est d'être pris avec quelqu'un et d'être pris avec cette personne-là sans vraiment pouvoir te maintenir, d'avoir un pilier à côté qui pourrait venir t'aider avec cette personne-là. C'est sûr que c'est mon analyse, bien sûr. Et moi, c'est pourquoi j'ai aimé The Witch, parce que je le dis maintenant, j'y vais dans l'appréciation. Moi, je l'ai aimé. J'ai vraiment aimé cet isolement-là de la société, justement, parce que je suis une personne qui a beaucoup besoin de se relier à ses pères. Et cette famille-là ne peut pas être reliée à ses pères, ne peut pas aider. Et les seuls humains qui sont proches d'eux seraient apparemment des sorcières. Qui fait en sorte que tu es vraiment isolé et pris par toi-même. Tu es pris avec des personnes et tu es en combat constant entre est-ce que je veux être avec ces personnes-là ou pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est ce qui en fait de l'horreur, c'est que ce film-là est angoissant par son isolement. Et moi, un film de sorcière, généralement, et c'est pourquoi je pense qu'on n'en fait plus beaucoup à notre époque, c'est que pour moi, un film de sorcière, c'est un film macartisme. Je ne sais pas si je devrais expliquer le terme, mais l'époque macartiste... J'ai pas compris ce que t'es. L'époque macartiste. Un film de sorcière, généralement, c'est une chasse de sorcières, donc c'est un époque. Okay. On les faisait à l'époque macartiste. Donc, à l'époque, on essayait de trouver les communistes dans la société américaine. Ah, oui, oui, un peu comme Invasion of the Body Snatchers, tout ça. C'était tout le temps la peur du... Oui. Exactement. Autant le film de vampire et le film de zombie, c'est sur un sida, c'est sur une maladie potentielle. Le film de sorcière, généralement, est relié au macartisme et au lavage de cerveau. On parle pas d'un film de sorcière vraiment vol sur le balai, mais on parle d'un film où des femmes seraient accusées de sorcellerie et regardées comme étant sorcières, comme c'est le cas dans ce film-là. Généralement, c'est associé à du macartisme, c'est associé à une forme de chasse aux sorcières, donc on tente de trouver l'élément discordant. C'est pas un thème qui est à la mode. Exactement. Ben, et c'est pour ça que je pense qu'on disait qu'on avait de la misère à trouver des films de sorcières puissants. C'est que c'est plus des films à la mode, c'est plus des films qui vont faire peur, parce qu'un élément discordant dans la société, ça nous fait plus peur aujourd'hui. C'est quelque chose de très, très commun. Allez faire un tour sur Nangag, vous allez être rassurés. Et pourtant, aussi, si tu vas sur TVA Nouvelles, tu te rends compte que tout le monde a peur de l'élément discordant. A peur de l'élément étranger. Mais la sorcière fait partie de nous. La sorcière fait partie de la société. La sorcière est à l'intérieur de notre famille, est à l'intérieur de notre cocon. C'est pas comme un étranger. C'est vraiment différent, je tiens quand même à le souligner. Ensuite de bon ça, point. Du film The Witch, c'est la reconstitution simple de l'époque. Je pense que Steven en a parlé justement à quel point on a été capable de recréer une atmosphère, de recréer une époque très facilement, très rapidement. Moi, à la fin, j'avais peur comme eux. J'avais vraiment peur de leurs croyances. J'avais les mêmes croyances qu'eux, en fait. J'étais pris dans cette folie-là. J'avais peur, non pas de est-ce que la jeune est une sorcière ou pas, mais j'avais peur de ces sorcières-là et j'avais peur de leur puissance, sachant très bien qu'elles n'étaient pas puissantes, sachant très bien que dans leur réalité, elles font peur. Mais dans la mienne, elles ne pourraient pas me faire peur. Et pourtant, j'étais pris là-dedans. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'isolement m'a vraiment affectée dans The Witch. C'est un film à sous-texte. C'est le genre de film qui, j'ai l'impression, comme It Follows, comme Babadook, encore une fois, c'est un film qui peut être à l'étude dans 3, 4, 5 ans, quand on va avoir un certain recul. J'ai l'impression, puis ça rejoint JF aussi, parce que le nombre de films que j'écoute qui datent d'une certaine époque, puis je fais comme, mais je m'emmerde, mais je trouve ça donc bien plat. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, il faut pas nécessairement, faut l'analyser pour l'impact et la... L'impact, pas auprès du public, mais le portrait de la société qui a réalisé, la photographie de la société qui a réalisé à certains moments. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on pourrait faire en 2022, c'est reprendre ce film-là de 2016 puis dire qu'est-ce que ce film-là essaie de nous le dire en 2016. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé le sous-texte qui est très caché, mais je le sais qu'il est là. Autre chose, c'est que j'ai aimé que ce soit pas théâtral. C'est, on rentre pas dans les grands discours, hein? Vraiment, c'est très terre-à-terre, c'est... un film de sorcière, encore une fois, c'est très théâtral souvent, c'est très puis ça crie, puis il y a peut-être il y a peut-être la genre de séquence avec le frère malade là qui devient un peu criarde et tout ça. Effectivement, et le film le dose bien parce que il y a cette séquence là, alors que souvent un film de sorcière, c'est qu'il y en a tout le long, puis ça devient agressant. J'ai aimé, bon, on peut en parler plus dans la section spoilers, mais j'ai aimé tout le rapport à la magie, mais on peut vraiment en parler plus tard. Ouais, je pense que le reste, ça va être vraiment pour la section spoilers. Je veux quand même dire que ma scène favorite, là, vraiment, quasiment les 3-4 plans favoris, c'est au tout début, quand le bébé se fait enlever. Le bébé, il est couché dans l'herbe, sa grande sœur est au-dessus de lui, puis elle fait « Picaboo! » Tu sais, qu'elle se cache les yeux, puis elle fait « Coucou! Coucou! » Combien de fois on fait ça avec un enfant? C'est tellement un geste anodin. Elle ferme les yeux, donc la caméra est au noir, le plan est au noir, et on rouvre les yeux, le bébé, puis là. Mais même en tant que personne, j'ai été très traumatisée. Vraiment, là, j'étais comme, mais comment, quand cet espace de seconde-là, j'ai vraiment eu un vertige. Puis là, on a deux papas ici. Avez-vous eu le vertige, vous, quand le bébé a disparu? Ouais, je l'avais vu venir un peu. J'ai comme fait, oh boy, Mané, elle va venir, elle va ouvrir les yeux, c'est sûr, certain que le bébé est plus là. C'est sauf que je m'attendais... Oui, vas-y. Tu le vois venir, mais ça fait un pincement. Ça fait quoi? Parce que... Comme tu dis, Vicky, c'est quelque chose de bien anodin. On le fait. Combien de fois tu l'as fait, Steven? Ah, tellement de fois. Mon bébé a 8 mois et demi, puis je pense que j'en ai abusé. Là, fait que, mais il y a 3 ans, puis je continue encore, imagine. Vous vous attendez à ce qu'on le voit arraché? Moi, je m'attendais à le voir partir, tu comprends? Tirer, puis que ça devienne une scène mélodramatique où elle tire après, là, tu sais. Tu vois, c'est ça qui était habile, là. C'est ça qui était vraiment habile dans cette... Vraiment, vraiment, vraiment, parce que j'ai vraiment eu un pincement instantané dans la gorge, là. Voyons, il est où? Je le sais qu'elle a pu être là, mais je m'attendais à ce qu'elle se débatte, qu'elle crie, qu'elle pleure, qu'elle tire sur une jambe, puis non! Il est vraiment... On entend le bébé pleurer longtemps, puis tu sais que le pleur vient de la forêt ou quoi que ce soit, non, c'est juste... Le bébé est plus là, elle lève les yeux, la caméra se lève vers la forêt. On comprend que c'est tout. C'est tout. Mm. Non, j'ai vraiment, là, cette scène-là, moi, elle est venue me chercher, puis je pense que ça a confirmé mon intérêt pour le film à partir de ce moment-là. Et quand on voit la montée de la famille qui accuse la jeune fille, J'ai aimé ça parce qu'encore une fois, je me sentais pas pris dans le macartisme que j'expliquais tantôt. Je me sentais pas pris dans la chasse aux sorcières puis dans le criage aux sorcières parce que j'avais l'impression qu'elle-même, elle doutait d'elle ou qu'elle doutait des facultés de sa famille, des facultés intellectuelles de sa famille. Ouais, puis de toute façon, ça venait de soi, là. Ça tombait pas des nues, là. Tu le sens qu'à un moment donné, ils vont te dire, oh mon Dieu, qu'ils vont finir par penser que. Et shit, tu sais. Mais de toute manière. Vas-y, Steven. Ben, j'allais juste dire, de toute manière, à partir de ce moment-là, tu sens déjà la tension avec sa mère qui en veut comme vraiment intense, puis peu importe. C'est con, mais dès que les deux petites filles vont dire que c'est une witch, puis elle va faire la joke comme juste pour leur faire peur. Mais tu sais, le père va pas forcément le croire, les autres vont pas forcément le croire, mais la mère va juste saisir cette occasion-là pour tout de suite l'accuser puis la croire aussi à cet événement-là, parce qu'elle a déjà une haine envers sa fille d'avoir perdu son bébé. Là. Ouais. Mm-hmm. Mais tu sais aussi, je vais juste me remettre dans un contexte féminin, OK? Mettez-vous à une époque où, entre femmes, on se parle pas. Et elle a peut-être eu ses premières règles quasiment à la sortie du village, là. Fait que quand on la traite de sorcière, elle sait pas, mais peut-être que... Moi, je me suis mis à sa place. Son corps change. Moi, je pense que les allégations du frère qui la regarde, oui, c'est autant pour dire que le frère la regarde, mais c'est autant pour dire qu'elle-même, elle devient femme. Oh oui, bah oui, quand même. Elle va sentir ce regard-là. Fait que là, elle sent ce regard-là. Elle sent son corps changer. Probablement qu'elle vient d'avoir ses premières règles, ou presque. Et là, je me suis dit... Peut-être qu'elle aussi a doute. Parce que. Mais tu vois, moi. C'est pas ce qu'il pense. Fait que dans le fond, c'est, le, ginger, c'est le Ginger Snaps des années 2000. Probablement. Mais je m'attendais à ce qu'on ait une scène de première règle. Je me suis dit, elle serait tellement pertinente, là, tu sais. Mm. Mais en même temps, c'est correct qu'il nous l'ait pas mis parce que ça aurait peut-être été trop criard. C'est trop comme « Oh, OK, ouais, c'est ça. » Tandis que de la supposer, ou en tout cas de supposer qu'elle voit ces changements-là comme quelque chose de malsain, parce que clairement, là, je pense pas qu'elle apprécie vraiment ces changements-là. De toute façon, t'as le regard du frère qui change, mais elle n'en est pas consciente. T'sais. À un moment donné, quand t'es sur le bord du lac, puis lui, il la regarde, puis elle a, qu'est-ce que t'as? Voyons, qu'est-ce que t'as? Dis-moi-le, qu'est-ce que t'as? Puis qu'elle se met à le chatouiller, tu fais comme, OK, une fille qui serait consciente que son frère la regarde avec du désir, elle irait pas le prendre pour le chatouiller, tu sais, là. Tu sais, non, elle ferait pas ça. Consciente du désir, mais inconsciente du regard. Ouais, elle est consciente de quelque chose, mais elle sait pas c'est quoi. Mais c'est pour ça, mais un regard inquisiteur, qu'il soit sexuel ou pas, il y a un regard. Et moi, c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'elle se sent regardée, elle sent qu'elle qu'elle a un changement et moi j'ai l'impression que ce personnage-là se sent coupable quand même. Oh. Mais Steven, tu voulais rajouter quelque chose aussi. J'allais juste mentionner que tu as sans doute remarqué ou des deux, toi aussi, Seb, de toute manière, que le sang a une importance cruciale comme élément dans le film. Là. Je pense qu'on va plus y revenir tout à l'heure, là, mais ça m'aurait pas étonné justement que la scène que vous disiez de Reg aurait pu s'inclure facilement dans tout ça. Là. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on serait dû pour une section spoilers, mais juste avant, on va faire comme à l'habitude et on va donner notre cote pour ceux qui vont éviter la section spoilers. Alors, on va s'en débarrasser tout de suite, là, Jean-François. Quelle cote, sérieux? Quelle est ta recommandation? Ben, c'est ça, comme j'ai dit, je veux pas être méchant avec le film, je veux pas chier dessus, puis que... voyez-le, faites-vous votre opinion. Moi, j'ai pas aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans, fait que... Je décourage pas personne de le voir non plus, là. Fait que une location probablement, là, j'imagine, pour commencer. Là. Steven? Collector Edition. Puis en plus, l'édition de base, ça, c'est un steelbook fabuleux. Fait que allez le chercher, c'est écœurant. Mais évidemment, comme dit JF, c'est un film qui va diviser. Fait que si vous êtes genre à vouloir pareil avoir votre classique de l'année dans votre collection, même si vous n'êtes pas certain de l'aimer, allez-y, sinon une location là, à la limite. Là. Vicky? Ben moi, c'est un achat diffusion dans le restaurant, définitivement, mais une diffusion au contraire de Steven, mais pour un public intéressé, et non pas pour un public qui viendrait la prendre pour la première fois en grande salle. Moi, j'irais plus, mettons, un film là, à 11h le soir, programmation double, à 11h, c'est celui-là. Fait que vous sachez à quoi vous attendre, parce que rendu 1h, ça se peut que vous vous endormiez, mais ça se peut au contraire que vous embarquiez dans le frisson, dans le restaurant directement. Fait que c'est un achat et un visionnement tard. tu me fais penser, ce film-là est à peine 90 minutes, donc il n'y a pas de... Mm-hmm. Pas de perte de temps trop, là. Pas de longueur. Moi, il y a des longueurs si tu t'accroches pas, là. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Oui, mais tu sais, mais sont importantes à l'époque en même temps aussi. Ouais, mais tout le bout dans la forêt, sérieux, si t'es pas alerte, là, tu t'emmerdes en hostie, là, le bout où ils se perdent dans la forêt, là, hey, ouais. C'est long en sacrament, là. Puis le payoff est poche, là, si tu t'emmerdes, là. Pour vrai, je me mets en place avec Jeff, là. Ben oui, mais si tu t'emmerdes, t'es comme Jeff, puis depuis le début du film, t'accroches pas à l'histoire, puis le payoff, c'est une madame qui sort de sa maison. Ouais, mais si rendu là... Une madame qui sort de sa maison... Ben c'est ça, le payoff... Ouais, cette scène-là est écœurante, le frisson qui te passe à ce moment-là. Ben oui, parce que t'es embarqué, mais je suis d'accord avec Jeff, moi, j'ai pas embarqué. Fallows. Fait qu'il y a bien des payoffs que j'étais comme, ben oui, je comprends, mais il m'énerve, là. Ouais, mais... Jeff, c'est pas plus emmerdant cette scène-là que d'autres. Là. Si tu t'embarques pas, toutes les scènes t'emmerdent du coup, je pense, dans The Witch. Ah, je pense que oui. Oui. Ça ferait un bon programme double dans ton restaurant avec Lord of Salem de Rob Zombie, je crois bien. Oui. Ouais, oui. C'est ça. Il faut vraiment que tu aies du monde qui salue tant d'expliquer quelque chose un peu. Ouais, ouais, c'est ça. La suite de l'autre, moi j'irais, mettons, vendredi soir 11h, c'est celle-là. Samedi soir 11h, c'est celle-là. Très cool, ça. Ouais. Ouais, ça fait une soirée un petit peu trop lourde. Ouais, c'est ça. Mais pas un à la suite, mais un en programme double de deux soirs. Que tu sais, tu peux venir voir les deux, puis un billet pour les deux, genre. Genre de soirée spéciale, t'amènes tes lames de rasoir, puis à la fin, ben, suicide collectif dans le restaurant. Puis t'apportes ta Bible. Puis tu manges quoi aussi avec tes. De la chèvre, ça se cuisine-tu? Des ailes de poulet. Non, des pâtes de lapin. Ah oui, oui, oui, oui, c'est ça. Mange la pâte de lapin. Beau lien. Intéressant. alors maintenant, on passe. Ben, moi, c'est un album. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit mon opinion. Moi, c'est une seule achat. C'est ça, certain que c'est le genre de film que je vais vouloir revisiter, faire écouter à des amis, avertis, évidemment. Mais non, c'est ça, certain que je vais vouloir revisiter ce film-là, comme j'ai revisité mes It Follows, Babadook et tous ces films du genre. Alors. Je pense qu'on s'en va pour la section spoilers et Jeff va nous dire le time code à l'instant. Pour sauter la section spoilers, rendez-vous à 1h10, 40 secondes. Alors, je commencerai cette section spoilers avec ceci. Bah! Bah! Bah! Je pense que ça a dit bah, bah, donc. Non, on a un autre bah, bah, bah, là. On a un beau bababa là-dedans. Là. Hey, qui a le goût de se lancer dans les spoilers? J'ai le goût d'y aller avec Vicky parce que tantôt, on t'a tout volé tes sujets, fait que go. Hey, de toute façon, en plus, moi, il n'y a pas de chef dans mes spoilers. Moi, mes spoilers, se résument vraiment à y a-t-il de la magie ou pas, tu sais? Puis moi, je trouve pas que j'ai de réponse à ça à la fin. Même quand ils les voient voler? Ouais, quand ils volent. C'est ça, Lucy in the Sky with Diamond, man. Lucy in the Sky with Diamond. Hein? J'ai l'impression. Je comprends pas. À cette époque-là, t'es prêt à croire beaucoup de choses. Ouais. Okay? T'es prêt à voir beaucoup de choses également. Et moi, j'ai l'impression que, sans dire tout ça n'est qu'un rêve et tout ça est dans sa tête, ok? Je veux vraiment pas aller là, je veux que ça soit très très clair, je vais pas là. Mmh. J'ai l'impression qu'elle est émerveillée et qu'elle en voit plus que ce qui en laisse paraître. Ah ouais? Comme une diseuse de Bonaventure qui dit ton futur, mais c'est hyper nébuleux, mais toi, t'es certaine qu'elle te prédit vraiment ton avenir. Tu sais, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Vas-y, Steven. Je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que la scène de la cabane avec le jeune vient contredire ça en même temps. Parce que quand on nous présente la scène avec le bébé qui se fait tuer, qui se met le sang, on voit la sorcière, on voit que c'est une vieille madame dégueulasse, tout ça. Et lorsque le jeune se perd en forêt puis se retrouve devant la maison de la sorcière, il se retrouve devant son fantasme à lui. Lui, il est en pleine période de désir et il regarde la craque de sa sœur, ces choses-là. Et là, il voit la sorcière sortir qui est une des plus belles craques qu'il n'y a pas puis qui est super jolie, tout ça. Ça représente la même sorcière. Fait que déjà là, c'est surnaturel qu'elle puisse avoir une belle apparence de jeunesse. J'avais pas l'impression que c'était la même femme. D'autant non, mais ben, de toute façon, on les voit plusieurs. À la d'autant fin, plus que... Ouais. D'autant plus qu'à la fin, elles sont plusieurs. Ouais. Et même quand... la femme, qu'on la voit nue, là, les fesses, la vieille femme, Moi, j'ai l'impression que la caméra se tasse vite puis on voit d'autres femmes avec elle dans la maison. Au début, ça, après avoir... Oui, la première scène où on voit la sorcière qui rit de dos, là, toute nue. OK, ah, celle-là, là, je n'ai pas remarqué. Moi, non là, je le revois, mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas seule dans la maison. Possible, très possible. Ceci étant dit, moi, j'ai l'impression qu'on ne conclut pas le film, et ça, c'est vraiment mon impression. On ne conclut pas le film en disant « il y avait des sorcières ». Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous conclut le film en disant « il y avait une liberté, une autre réalité dans cette forêt-là ». Pas nécessairement de la magie, mais quelque chose qu'une personne naïve comme notre héroïne va voir comme de la magie. Et on s'entend que herbe et tout, tu sais, on associe tout le temps ces femmes-là aux herbes et aux potions depuis le début du film. Et moi, j'ai l'impression que la magie vient gros de ça, là. Pas qu'elle s'est fumée un gros bat, là, mais que c'est dans l'air, que c'est l'émerveillement. Elle arrive, là, puis la première, elle a vraiment le souffle coupé. Ces femmes-là lui inspirent plus de crainte rendue au film, là. À la fin, je veux dire, rendue à la fin, elle n'a plus de crainte envers ces femmes-là. Elle veut se faire accepter par le groupe. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle en voit plus, qu'elle voit une liberté, une folie, d'autres mœurs, là, vraiment. Qu'elle voit que les sorcières font un affront à la société. Elles vivent librement, elles vivent autrement. Puis elle se sent plus libre dans cette société-là. Et elle y voit ce qu'on veut qu'elle voit. Pas nécessairement par magie. Ben, écoute, je suis d'accord avec le fait que son sourire et tout ça est un genre de « enfin, je suis débarrassé de ce carcan dans lequel je vivais ouais. » et je me suis enfin sorti de ma marde, là, parce que j'ai accepté une autre façon de vivre. Sauf que le film nous a jamais présenté des choses de façon subjective. Il les a toujours présentées de façon objective. Jamais la caméra où le réalisateur nous a dit comme « Oh, est-ce que ce que je viens de montrer, c'est dans la tête de quelqu'un? » Non. Fait qu'à la fin, il ait décidé de le faire, ça me surprendrait. J'ai vraiment l'impression qu'il nous montre la réalité depuis le début, puis qu'encore une fois, cette fois-là, il nous la montre encore. C'est ça que ça me fait aussi. Tout ce que Vicky vient de dire, je suis parfaitement d'accord, puis il y a d'autres trucs qui viennent confirmer. Mais je crois juste que qu'est-ce que le réalisateur décide de nous montrer à la fin, c'est vraiment ce qui arrive. Mais c'est peut-être totalement vrai ce que tu dis, Vicky, parce que la scène, entre autres, après qu'il arrive le drame avec sa famille, son père meurt, puis qu'elle tue sa mère, elle va finir par retourner dans la cabane et elle va se débarrasser, comme disait si bien Seth, de son carcan en enlevant son corset. Puis en même temps, c'est comme une manière de se débarrasser de la religion, de tout ce qui était relié à sa famille, à Christ, tout ce qui était, ouais, c'est ça. Tout ce qui était des conventions. La société, puis elle va s'asseoir sur la table, puis elle attend juste que on vient de la chercher pour qu'est-ce qu'elle leur sent, là, tu sais. Ouais. Mais on vient pas chercher, c'est elle qui ça va provoquer les choses en demandant à Black Phillip. Ben, c'est Black Phillip qui vient la chercher pareil. Ben, c'est elle qui va voir Black Phillip complètement. Puis qui dit, si tu parles, parle-moi, là, parce que je suis dans la chenoute, là. Ouais. Puis là, il finit par y parler. Puis tu vois, ça a été ma gueule à terre, ça, à ce moment-là, là. Tout le long, je trouvais ça le fun que Black Phillip soit genre... Ah ouais, c'est... Moi, je me disais tout le long, c'est juste un animal comme le lièvre, tu sais. C'est juste un animal qui est possédé par les sorcières, ou qui est comme un peu sous leur contrôle, tout ça. Et apprendre que finalement, c'est Black Phillip et l'incarnation du diable. Je trouvais ça que c'était comme... What? Oh non, là c'était... Ça m'a fait triper, là, tu sais, tandis que je sais qu'il y a du monde pour qui ça les a fait, ça les a rebutés, là, puis qui ont dit, mais quel final de marde. Moi, j'étais comme, waouh, tu sais. Je voulais mon pacte avec le diable, puis on l'a eu, tu sais. Puis la voix, parce qu'en plus, il sort. Oui, parce que je sais pas si vous l'avez écouté avec des écouteurs, le film, mais quand Black. Ben, peut-être au cinéma, ça c'était flagrant, mais quand Black Phillip parle, le son arrive de partout. Ouais. Comme si sa voix était juste là, elle existe, sa voix, elle n'a pas de source, sa voix est omniprésente, elle se promène. Et ça, c'était malade. Puis tu sais, en plus d'avoir le pack avec le diable, c'est vraiment genre, voici un livre et signe-le, tu sais, j'étais comme, waouh! Ça, là, c'était intense. Le beau pacte avec le diable, pas genre, tu sais, des fois dans des films, là, c'est, si tu te coupes, puis tu fais telle affaire avec ton sang, puis blablabla, non, j'ai un livre, j'ai un crayon, faut que tu signes. Je sais pas écrire mon nom. C'est pas grave, je vais t'aider. Tu sais, je sentais vraiment le diable qui arrivait et qui faisait je suis là. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux? Parce que je vais te le donner. Je trouvais ça génial. Mais savez-vous pourquoi? Moi, j'ai cette mon impression du final, c'est que on m'explique pas pourquoi il n'aurait plus aujourd'hui des sorcières. Je pense que je suis resté avec cette idée de... Parce que tous les films de sorcières, là, il y a deux catégories. Soit c'est des sorcières puis ils volent sur leur balai puis ils font des pouvoirs magiques. Soit c'est des femmes qu'on prend pour des sorcières puis on les accuse de sorcellerie. Là, on a des femmes qu'on n'a jamais trop su ce qu'ils pouvaient, puis à la fin, on considère que c'est des sorcières parce qu'elles se réunissent autour d'un feu. Mais moi, je me dis, ben s'ils ont réellement des pouvoirs, pourquoi elles n'existent plus? Fait que moi, j'ai l'impression qu'elles n'existent plus parce que dans la société et l'imaginaire collectif, elles ne peuvent plus exister. Ça ne peut plus arriver. On n'y croit plus. Ouais. C'est pour ça que j'ai de la... C'est pour ça que je me dis... Ces femmes-là réussissent à avoir des pouvoirs parce qu'on croit en leur pouvoir. Ou parce qu'elles croient en diable puis elles ont fait appel au diable, je sais pas. Mais en même temps, moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est vraiment genre... moi, j'aime des fois quand un film, comme ça, c'était le meilleur exemple, qui prend un mythe, tu sais, qui prend un... Ouais. Des journaux vraiment. Et qui fait un... Et si c'était vrai? Et si c'était vrai ce qu'on a raconté? Mais qui va pas plus loin que le « et si c'était vrai? » Qu'à la fin, tu fasses comme « Wow, ce serait juste fou. » Mais tu sais, ouais, mais pourquoi on ne va pas plus loin. Parce que je pense pas que c'était... Je le dis des fois là, dans le Horror Game Age, mais je ne pense pas que c'était la prétention du film d'aller plus loin que ça. Le film nous a présenté ça et après, ben, si ça tente de faire une suite et nous montrer pourquoi les sorcières ont été éliminées, peut-être, là, mais j'ai vraiment juste un... J'ai juste vu un « et si c'était vrai? » Okay. Moi, ouais. J'avais vraiment l'impression que c'était une balance d'équilibre. Les femmes ont du pouvoir, elles volent parce qu'on veut croire qu'elles volent. Tu sais, comme je disais tantôt, pas juste une question, ils ont fumé un bat, là, où c'est tout dans sa tête. C'est pas ça que je veux dire, c'est le pouvoir existe parce qu'on leur donne ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on donne plus ce pouvoir-là, on y croit plus, donc ça ne peut plus exister. Ben, en même temps, ouais, je sais pas, c'est aujourd'hui, on a quand même encore des gens satanistes. La preuve, c'est qu'il y a eu des représentations spéciales par des groupes satanismes. Mais tu croirais-tu si on disait qu'ils volent? Non, mais non. Ils peuvent se changer en bouc. Non, mais tu sais, si jamais. Non, mais je crois pas que leur pouvoir fonctionne selon les croyances des gens comme un Freddy Krueger, qu'il est là parce que le monde y croit puis que ça marche. Je crois plus que. Ça rapporte justement avec de la magie. Le stick, quand tue le bébé, puis elle utilise son sang, son balai, puis toutes ces choses-là, c'est sans doute parce que c'est un rituel de magie qui doit offrir quelque chose. C'était dans... quand on regarde les vieilles histoires de sorcières, le gras d'enfant servait à faciliter le vol. Servait à voler. Et ça expliquerait cette scène de vol-là. Oui. Mais ça expliquerait que justement, elle n'a pas de gras, fait qu'elle vole pas. mais ça expliquerait aussi, parce qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé des deux jumeaux à la fin. Si toutes les sorcières volent à la fin, ça expliquerait peut-être qu'ils se sont servis des deux jumeaux pour ça. Donc, c'était un peu pour ça que les sorcières volent des enfants. Parce qu'ils sont les catalyseurs de leur pouvoir. T'sais. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on protège mieux nos enfants? Peut-être que le film The Witches va nous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, on est capable de les détecter. Le lien, c'est ça, c'est que maintenant, on est capable de mieux les détecter. Elles se font. Les yeux violets sont dangereux. Mais, Jeff, toi, de toute cette finale-là, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'elle est venue te surprendre? Est-ce qu'elle est venue te. Je sais pas quoi dire, je sais pas. Je vous écoutais parler, c'est super intéressant, mais j'avais pas vraiment d'opinion là-dessus. Là. À la fin, j'ai juste fait « Ah ouais, ah bon. » C'est comme « Ok, c'est juste ça. » C'est parce que je pense pas que la fin, puis là, je te parle pas du père du diable, mais la scène autour du feu, je pense que ça, c'est une direction que, logiquement, on s'attend à ce que ça finisse par aller là, puis c'est cette scène-là qui semble souvent décevoir le monde, parce que c'est comme « On a déjà vu ça ailleurs, et oui, c'est vrai, c'est pas forcément une fin originale, mais c'est dans la manière que le réalisateur l'aborde qui donne toute l'efficacité à cette scène-là. » Ah, là-dessus, je suis d'accord avec toi 100%. Je veux dire, elle manque pas d'originalité pour une scène de début ou de milieu de film. Habituellement, un film qui met une scène de même, ça finit par un bûcher. Mm-hmm. Là, c'est une scène finale. Mm-hmm. Et regarde, moi, j'ai vraiment une opinion sur cette scène finale-là, puis t'en as une autre. Fait que moi, je trouve que c'était la meilleure scène finale possible à ce film-là. Ouais. Parce que ça nous porte à nous positionner par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Moi, je trouve que cette scène-là, c'est la meilleure façon que le film peut finir, c'est de cette façon-là. Parce qu'avec une scène comme ça, je suis obligée de me positionner par rapport à ce que j'ai vu depuis la première scène du film. Oui. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que cette finale-là, avez-vous trouvé que c'était loin du Ok, je recommence ma phrase. Le fait que la fille accepte de signer un pacte avec le diable et de devenir une sorcière et de se dévêtir, d'aller les rejoindre, est-ce que c'était contraire à son personnage? Moi, je crois pas. Parce que son personnage s'en allait là-dessus. T'sais. Ben oui. Le fait c'est qu'elle commence à le prétendre, le fait que tout le monde se mettait à pointer du doigt, t'es une sorcière, tu sais. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas faire comme, ben fuck that, ok, oui, je vais en être une, parce que ça a bien de l'air que c'est ça que je vais être, tu sais. Beaucoup. C'est... Puis quand que le bébé se fait enlever, elle regarde quand même le bois avec mystère. Puis un autre moment dans le film, on regarde le bois avec mystère, alors que les autres le regardent avec effroi. Ah ouais. Elle regarde avec mystère. Elle veut. On la voit jamais vraiment avoir peur. Mm. Elle va avoir peur de la sorcière dans la grange quand elle la voit têter le. Le chef, ça fait. C'est tout fait de même pas. Normal, là. Ouais. Du goût aussi là-dedans, là. Ouais, mais jamais, tu sais. Ouais. Elle est toujours plus dans l'affront, puis dans le. Mm-hmm. Tu sais, même quand son frère est mort, puis son père vient la rejoindre, puis il veut dire. Tu sais, il veut qu'elle dise qu'elle est une sorcière, tu sais. Je vois. Tu sais, tu la vois, là, qu'elle est comme, garde. Fuck that, là. Allez, donc. Allez chez le diable. Steven, je pense que c'est lui qui l'a écouté le plus dernièrement. Quand ils se font rejeter du village, est-ce que c'est elle ou son frère qui reste à la caméra puis il a comme peur, ben voyons donc, ça va être juste comme ça. C'est elle, hein? C'est elle. C'est elle, hein? Ouais. Ah oui. Puis moi, tout de suite, quand ça finit de même, j'ai l'impression que cette scène-là est toute seule de profil comme ça puis elle fait comme, ben voyons, just like that. Je me souviens pas de ces mots, là, mais ça veut dire comme, just like that. OK, on peut se faire rejeter de même de la société. Puis moi, j'ai l'impression que quand tout le monde meurt, elle fait la même affaire. Ah ouais, juste de même. Je pourrais avoir une liberté juste de même. Facile de même. OK, cool, je signe où? Ouais, ben c'est ça, c'est que déjà là, au début, tu sais, alors que son père est trop égoïste pour dire OK, je m'excuse, on va trouver un terrain d'entente, puis que ça les mène à leur perte, elle serait du genre à faire comme, eh non, regarde, on peut... Il y a une manière de s'en sortir, il y a une manière de faire de quoi. Puis à la fin, c'est justement ce qu'elle fait. Là. Elle trouve la manière de faire quelque chose. Parce tu sais. Que, en même temps, non. Parce que je suis même surprise que les enfants soient debout à ce moment-là. C'est bon pour le film, mais c'est pas historique. On s'entend qu'à l'époque, le trial aurait eu lieu devant le père seulement. Les enfants n'auraient pas eu accès. Oh, je sais pas. Ah oh, non, les enfants, non, à cette époque-là, les enfants, c'était pas des humains, des... Je sais pas, j'avais l'impression actifs. Que c'était la famille qui était en procès, et non la juste le père. La famille est en procès, mais la famille aurait été assise derrière le père, aurait été le seul debout, de façon historique. Et quand que la caméra... Moi, je savais rien du film. Moi, je vous le dis, là, depuis à peu près 4-5 ans, j'ai décidé d'arrêter de voir toute bande-annonce, tout résumé de film, fait que je savais absolument rien du film. Au contraire de Jeff, tout ce que je savais, c'était le hype autour. Là. Moi, je savais le hype, là, je savais que ça parlait gros, puis j'avais vraiment envie de le voir. Je pense que c'est même moi qui ai suggéré ça. Puis, qui a suggéré qu'on l'écoute. Puis, quand que la caméra s'est arrêtée sur elle de profil à faire « Ben voyons donc, ça se peut pas », tout de suite, j'ai fait « OK, elle est pas normale. » Parce que t'as pas le droit, historiquement, de lui donner la parole. Historiquement, elle n'a pas de parole. Et si tu me la mets ayant une parole dans un plan... cadre fixe, portrait, profil, qui regarde au loin, qui regarde hors cadre. Donc, elle regarde une possibilité de... Elle regarde quelque chose que toi, tu ne vois pas. C'est ça, un regard hors cadre. C'est te montrer que elle voit quelque chose que toi, tu ne vois pas. Tout de suite, j'ai fait, OK, elle va finir ailleurs dans ce film-là. Elle vient de comprendre quelque chose que moi, j'ai pas compris encore, mais que les autres n'ont pas compris, mais elle a compris quelque chose. Et ce qu'elle a compris, c'est que la société ne sera jamais bonne pour elle. Moi, c'est de même, je l'ai vu. Moi, tu vois, moi, je l'ai pris comme un affront à sa famille. Alors que tout le monde suivait son père, elle, c'était comme, wait, non. Elle n'a pas le droit de faire ça, c'est ça que je t'explique. Mais c'est ça, c'est ça qu'elle fait. C'est exactement ça qu'elle fait, mais elle ne peut pas le faire. Elle n'aurait même pas eu le droit de le faire, d'être debout. Mais écoute, là, je parle de trucs historiques que je peux pas t'ostiner sur le fait qu'un enfant peut être debout pendant un procès en 1630. Fait que c'est ça. J'argumenterai pas contre ça. Mais moi, tu vois, j'ai pas vu ça de cette façon-là. Moi, j'ai vu plus une façon de démontrer, regardez, cette fille-là n'est pas en accord avec sa famille. Et je sais pas, là. Mais rendu là, est-ce qu'elle avait le droit? Je sais pas. Ben, je peux te dire que c'est une époque puritaine, protestante puritaine. À ce moment-là, une femme n'avait pas le droit de regarder un homme dans les yeux. Elle marchait en regardant par terre et contournait des pieds. C'était la loi non écrite. C'est pour ça que je te dis, enfant, femme, elle aurait même pas dû être debout, là. Fait que c'est pour ça que je me suis... Ben, tu sais, je veux dire, toute la famille était debout, là. C'est pas juste elle qui donnait l'importance à toute la famille. Mais pourquoi? C'est pour que, historiquement, on va contourner l'historique d'un détail pour donner l'importance à des personnages. C'est nécessaire, là, on s'entend, là. C'est nécessaire. Oh, oui, non, c'est ça, le but, c'était de... Oui, il faut le faire, là. Mais moi, je me dis, s'ils se permettent de le faire, c'est pour me dire quelque chose. Je peux pas le nier. Ils se permettent de faire... Je l'accepte, faut que je le prenne. Là. Ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de chaises. Oh boy! Hey, je pense que là, il vient de tuer le. Est-ce qu'on avait autre chose à rajouter sur la section spoilers? Je pense qu'on a fait le tour. Good. On a fait nos recommandations. Alors, ben écoute, c'est le temps d'aller en musique, cher auditeur. Et cette fois, non, ce n'est pas André Péloquin du podcast Requin qui nous fait des suggestions, mais plutôt Sébastien Houd du blog Boulevard Brutal. Jeff va nous mettre le lien dans la description du spectacle. Du spectacle, ben oui, parce qu'on est en pleine représentation présentement. Dans le blog, dans le podcast, la description du podcast. Il nous a fait des suggestions Boulevard Brutal qui sont plus du côté du métal et de la grosse musique qui bouge fort. Donc, c'est les fans des suggestions de Pierre qui vont être contents. Et il nous commence avec une suggestion de Grand Magus et la chanson c'est Forged in Iron, Crowned in Steel. Alors, on se retrouve après pour le film The Witches. Thank you. Alors, on continue avec The Witches, pour bien se différencier du précédent film. Un film de 1990 réalisé par Nicholas Roeg. Sirigo. On avait alors, parlé de Nicholas Roeg quand on a fait mon épisode Shameless avec Don't Look Now. Il y a un an ou deux, là. Oui, exactement. Donc, c'est ça. On a déjà parlé de ce gars-là. Ça n'avait pas été toujours en bien. Non. Alors, voyons voir si The Witches est meilleur que Don't Look Now, selon, selon certains d'entre nous. Donc, un film de 1990, donc, je disais, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon et de sa grand-mère. Je cherche le nom de Luke et sa grand-mère qui s'en va dans un hôtel et réalise rapidement que dans cet hôtel, il y a un conventum de sorcières qui planifie de détruire tous les enfants de la planète et de les transformer en souris. Alors Luke et sa grand-mère devront s'allier à un autre petit garçon afin de détruire ces sorcières et d'éradiquer leur plan. Steven, qu'as-tu c'est quasiment un synopsis de film de super-héros épique ou je sais pas trop, là, c'est épique ton synopsis. Oui, c'est malade. C'est pas aussi joyeux que ça, The Witch, là, mais t'en parles, Jeff. Jeff, moi, Seb. Non, non, pas toi. Ouais, toi, ah non, oui, tu m'aimes pas à soi. Toi, là, regarde. Non, pas toi, là, on te le dira quand tu t'auras à intervenir. Pour l'instant, là. Ben, c'est ça, je fais mon micro d'abord. Lève ton doigt quand tu veux parler. Okay. Eh bien, The Witches, on change vraiment de section. Là, on arrive avec un film d'horreur familial qui est plus dans ce que je disais avec The Witch, où que on va se retrouver avec un produit plus hollywoodien et des sorcières plus typiques du cinéma d'horreur qu'on était habitué de voir, la sorcière typique avec son gros nez long et sa carrure et ses manières d'agir. Sauf que Nicholas Roeg, Lui, le réalisateur de Don't Look Now, qu'on n'avait vraiment pas aimé, mais qui paraît une grosse réputation de film culte, a une manière très, très, très creepy de traiter son sujet. Et je crois qu'entre les mains d'un autre réalisateur, on aurait eu vraiment un film bon enfant. Pas très... Le côté horrifique aurait été baissé de plusieurs degrés. Tandis que là, il s'est dit, ça a le scénario d'un film d'horreur, je vais pareil faire un film d'horreur, mais je vais pareil l'adapter pour que ça soit pareil un film qui va plaire aux enfants, mais qui va quand même les traumatiser. Parce que je veux pas, moi, The Witches, je l'ai vu plusieurs fois depuis que je suis jeune, et c'est un film qui m'avait traumatisé, qui m'avait marqué. C'est vraiment creepy comme film, parce que dès les premières minutes, les 20 premières minutes, on nous installe toute la mythologie des sorcières qui est créée pour ce film-là. C'est quel genre de sorcière, quel genre d'univers qu'on va avoir. Et la grand-mère de Luke va y raconter l'histoire des sorcières parce que pour elle, c'est véridique. Puis elle veut tout de suite la mettre en garde parce qu'elle veut pas qu'il arrive rien, qu'il prenne ses précautions. Comme contre des pédophiles, en quelque sorte. Là. Mais on va pas commencer à faire les allusions, là. On s'entend. Non, c'est la dernière fois que vous entendez pédophile ce soir, à moins que Vicky avait un parallèle. Mais moi, je suis tellement d'accord avec Steven là-dessus. Mais bon, et toute l'histoire qu'on va y raconter d'une petite fille qui s'est déjà faite enlever, tout ça. Oh my God, ça fait longtemps que j'avais pas revu le film, honnêtement, mais je me rappelais pas que cette scène-là est vraiment creepy. Puis comme, me semble, je montrais pratiquement pas ça à un enfant. La mère qui s'est filmée, déjà en partant, la réalisation de Nicholas a fait... C'était la première fois que tu le voyais? Moi? Non, il a dit qu'il l'a vu plusieurs fois. Non, je l'ai vu plusieurs fois. C'était un film de ma jeunesse. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Yeah. Et là, je viens de remarquer que la réalisation de Nicholas fait très, très, très années 70. On dirait qu'il n'a pas évolué. Tu as des zooms, des cadrages. On dirait que le gars il a utilisé la même réalisation que Don't Look Now. Là. On est vraiment proche. Et ça procure une atmosphère assez lugubre au film. Il y a une photographie froide. Et... toute la scène de la petite fille qui va se faire kidnapper dans la ruelle, tout ça, là, c'est malaisant. Juste comment c'est filmé la situation que la sorcière va l'agripper, puis là, tu vas voir le pot de lait en métal qui va rouler à terre. Tous ces petits détails-là, je trouvais ça malaisant parce que ça me faisait juste penser... Ben, le gars t'a dit, tu voulais pas qu'on en reparle, Jeff et moi... Jeff, Seb. Jeff est plus là. Mais Seb, que... je suis là. Ça fait très allusion aux pédophiles. Puis j'avais l'impression quasiment que la petite fille se faisait voler, kidnapper par un genre de personne comme ça. Puis moi, ça me mettait mal à l'aise la manière que c'est filmé en plus. C'est vraiment un film sur ne faites pas confiance aux étrangers. Ne faites pas confiance aux étrangers, prenez garde. Et je trouve que c'est un bon sujet par rapport aux sorcières, si elles devraient encore vivre dans la société, ce que Vicky se demandait par rapport à The Witch. Et je trouve que ça procure un effet de peur, justement. Un coup que la grand-mère raconte ça à Luc, moi, à sa place, je serais terrifié de me promener dans les rues puis juste de ne pas truster la madame. Là, ce qu'il va raconter, une madame au hasard, pendant qu'il joue dans sa cabane, qui va venir le voir, c'est comme « Hey, salut, mon garçon, veux-tu voir mon serpent? » Puis cette scène-là, même là, est fréquente. Là. Tu le vois que c'est une sorcière, tu le sais, puis la manière que c'est abordé, ils sortent de nulle part, n'importe où, puis on dirait que tu peux rien faire contre. Ils font partie de la société et il n'y a juste aucun moyen parce que la plupart des personnes croient encore que c'est un mythe, que ça n'existe pas. T'sais, sa grand-mère, il raconte avec certitude et avec confiance, tandis que lorsque la mère de Luc rentre dans la pièce, c'est comme, bon, tu racontes encore des histoires pour lui faire peur. Fait, tu vois que c'est pas forcément une réalité installée comme quoi tout le monde croit que les sorcières existent dans le film. C'est juste une partie des gens. Et sinon, moi, c'est un film d'horreur. Je l'ai dit, c'est un film d'horreur familial pour tous, mais qui reste pareil, un film d'horreur avec des couilles, comme il en faisait dans le temps pour les jeunes, qui n'avaient pas peur de faire peur, qui c'était comme, gars, ils vont en prendre, ça va leur faire peur, peut-être qu'ils vont en faire des cauchemars, mais ça sert à ça. C'est ça de l'horreur. Tu sais, Gremlins l'a fait, puis The Witches l'a fait aussi. Puis moi, j'adore le casting de sorcière. Angelica Houston, c'est bien ça son nom? Pour jouer la sorcière suprême, est excellente. Déjà, moi, elle a une belle... Je la trouve, dans ce film-là, je la trouve belle. Je trouve, c'est pas forcément une actrice que j'ai tout le temps trouvée jolie, mais je sais pas, je trouve qu'elle a une belle parole là-dedans. Je trouve qu'elle l'a pour jouer la sorcière suprême bitch qui se la joue comme... vraiment, vraiment désagréable avec tout le monde, au-dessus de tout le monde, là, son assistante qui la traite vraiment comme de la véritable marde. Puis les enfants là-dedans, c'est vraiment comme du caca de chien, la manière qu'ils sont décrits. J'aime vraiment ça. J'aime toute la partie dans l'hôtel aussi que ça va se dérouler. Je trouve ça bien que ça soit un espèce de genre de huis clos, si on veut. Ça va se concentrer là-dessus, puis ça va créer toutes sortes de situations intéressantes, dont le personnage de Mr. Bean là-dedans qui joue le maître de l'hôtel. Je trouve qu'il joue très bien le maître de l'hôtel dans un rôle un peu plus sérieux de ce qu'il fait d'habitude. Là. Je le trouvais intéressant dans ce personnage-là, ça y allait bien. Et là, on va arriver à la fameuse scène de conférence où que toutes les sorcières vont se réunir pour un genre de banquet. Et c'est drôle, leur couverture, c'est un banquet contre la violence contre les enfants. C'est assez ironique et amusant. Oui. C'est vraiment plaisant. Et toute la scène qui se déroule là-dedans, merci premièrement à Jim Henson qui s'occupe des effets spéciaux. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jim Henson, c'est lui qui a créé Dark Crystal, les marionnettes des Muppets. C'est vraiment un grand artiste dans ce domaine. Labyrinthe, les Tortues Ninja. Fraggle Rock, oui. Quand tu vois son nom générique, tu t'attends de la qualité et... t'en as. La sorcière suprême est à la hauteur de ce qu'une sorcière suprême devrait avoir de l'air. Elle est fucked up. Je suis pas étonné pourquoi j'ai été traumatisé, puis ça a traumatisé plusieurs enfants, puis même aujourd'hui, ça a autant d'impact. Je trouve que le film, là-dessus, vieillit très bien. Petit effet déstabilisant, j'aime beaucoup toutes le physique des sorcières là-dedans. Ils portent toutes des perruques. Il n'y en a aucune qui a des cheveux. Ils se grattent tout le temps la tête. Ils ont des mains vraiment lugubres. Et parmi les sorcières, on peut remarquer que, Seb, ici aussi, je m'en vais, qu'il y a des hommes déguisés en femmes. Il y en a c'est beaucoup. Pas toutes des femmes, il y en a beaucoup. Et c'est très fréquent par moment. Et je me dis, peut-être qu'il essaie de le cacher. Non, il y a des scènes que tu as des gros plans, puis c'est comme, il essaie pas forcément de le cacher. Enfin, non, je trouvais ça juste mal. Le côté creepy est là. L'homme avec une perruque de femme, puis tu sais, un peu de maquillage, puis ouais. Toutes ces femmes laides là, puis. Moi, Steven, mon feeling, c'est que ça lui prenait beaucoup de monde chauve. Ouais. Et un moment donné, de maquiller énormément de femmes avec des casques puis cacher les cheveux, c'était plus simple en arrière-plan de mettre des hommes chauves qu'on ne distingue pas beaucoup. Parce qu'un homme chauve est beaucoup plus facile à trouver que 80 femmes chauves. Là, t'sais. Non, c'est un peu mon feeling. Puis tant qu'à les avoir, ben, après ça, on lui met des perruques puis ils sont à travers le lot. Puis peut-être qu'il a vraiment trippé sur le look que ça donnait. Là. Ben, ça rajoute au côté vraiment creepy. Puis c'est C'est stupide, mais ça rejoint quasiment la finale de Don't Look Now avec un certain twist. J'étais comme ah, peut-être qu'il s'en est inspiré dans le fond. Mais toute cette scène-là est vraiment creepy. Juste lorsqu'ils vont faire entrer un autre jeune personnage, un petit gros qui mange tout le temps, c'est un petit peu de cliché ça, à chaque fois, dans ces années-là. À chaque fois, tu as un enfant gros, faut qu'il bouffe absolument tout. Bruno, oui. Bruno, qui est l'ami. Petit ami de Luc, un co-restant qui va servir de cobaye. Ils se sont parlé 5 secondes avant. Ouais, mais c'est ça. Puis qui va servir de cobaye pour tester leur nouvelle potion, une petite capsule qui peuvent les transformer en souris. Et autant t'es comme, ah, c'est vraiment très enfantin, tu sais, oh, il va se transformer en souris. Toute la transformation de Bruno et même de Luc en souris, c'est vraiment. C'est digne de film d'horreur, on ne se le cachera pas. L'aspect horrifique est tout le temps là et jamais je me dis, oh, j'écoute vraiment un film pour enfants. C'est vraiment, vraiment freakant. Et j'aime beaucoup la poursuite des sorcières contre Luc quand ils s'aperçoivent qu'il est là et qu'il s'enfuit. Ça donne lieu à une scène vraiment. J'adore, moi, la scène que la sorcière pourrait essayer d'attirer Luc. Elle va pousser un berceau de bébé qui va dévaler une colline. La mère va capoter puis Luc va partir à courir après le carrosse, puis tu vois des sorcières un peu partout, c'est comme une section partout, il y en a une en bas des rochers de la falaise qu'elle applaudit, puis c'est vraiment, on quitte jamais l'aspect malaisant de toutes ces scènes-là. Je trouve que les sorcières là-dedans sont très malaisantes, ils ont vraiment une présence déplacée, et après ça on va se retrouver dans un aspect peut-être moins agréable, ben pas moins agréable, mais l'aspect où que les deux vont être en souris. Je sais, Vicky, je suis en train de tout dévoiler. Moi, c'est drôle. C'est juste parce que, tu sais, un résumé fait par Vicky, c'est 3 phrases. Un résumé fait par Steven, c'est plan, par plan, par plan, par plan. Ouais, ouais, ben là, j'enseigne rapidement. La partie souris, je la trouve peut-être un petit peu moins bien qu'à l'époque. Je dirais, j'aurais préféré pratiquement que Luc et tout ça reste encore en humain. J'aimais cet aspect-là horrifique juste en enfant. Mais ça n'enlève rien au fait que j'aime pareil la magie de Jim Henson, des petites souris, puis les scènes avec eux, j'y trouve vraiment le fun. Puis la grand-mère qui va essayer de retrouver un moyen de présenter Bruno à ses parents, qui sont les aristocrates les plus chiants que j'ai jamais vus de ma vie là, dans l'hôtel. Là, c'est comme la pire hôtel de leur vie, mais ils restent là. C'est comme, OK, des Chris, t'aimes vraiment pas l'hôtel à ce point-là. Ça s'appelle des clients. Des clients, exactement. Malheureusement, il y en a partout. Ce n'est pas un mythe. Mm. Et je vais pas trop m'éterniser non plus parce que là, je sais que Vicky... Non, je suis même pas la next en plus, hein. Je suis même pas la next. C'est juste parce que je te voyais aller, je dis, bon, il est bien parti. Puis j'aime beaucoup aussi un autre point, toute la grosse finale pour le souper avec la soupe. Cette scène-là est fantastique. Ça devient comme un gros bordel. Le potage de cresson qui est vraiment une espèce de grosse finale qui est à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre. J'ai vraiment aimé ça. Et non, c'est ça, globalement, The Witch, c'est un film d'horreur familial. Cheese, The Witches, c'est un film d'horreur familial. Je sais pas, là, parce que là... Ouais, je sais. Comme on sait pas l'autre à une famille. Comme on en fait, malheureusement, je dirais pas plus, mais moins de nos jours. Et parce que j'ai lu un article, je pense que c'est toi qui l'avais publié, Seb ou JF, comme GF. Quoi... Pourquoi on n'a plus de films comme ça de nos jours? Et c'est vrai, ça manque les années où que les producteurs d'horreur et les réalisateurs avaient les couilles d'offrir des films d'horreur familiales qui pouvaient vraiment faire peur aux enfants, puis pas juste un petit côté léger à la Goosebumps. Tu sais, c'est le fun, mais c'est vraiment inoffensif. Et moi, je reviens sur cela parce que je trouve ça une bonne occasion de le plugger. Pour moi, Krampus, ça revient là-dessus et c'est comme un retour de ce genre-là. Et le monde l'a boudé, puis ça me fait chier. Et je crois qu'après une couple d'années, peut-être que le monde va prendre du recul puis le remettre à sa place. Mais si vous voulez retrouver ce genre de film-là, ben Krampus en est un parfait exemple. Puis vous devriez peut-être lui montrer un peu plus de respect au lieu de le comparer tout le temps à Trick or Treat, alors que les deux films ont un but différent. Moi, j'étais celle qui avait le moins aimé Krampus. Et si tu me le dis... Non, mais Krampus, c'est un film d'horreur pour enfants. Là, j'embarque. Moi, je ne l'avais pas regardé comme ça. Je me souviens de l'épisode qu'on avait parlé de Krampus, Steven, puis j'étais pas plus qu'il faut, puis c'était correct, c'était bon, là, mais quand tu n'avais fini par en parler de cette façon-là, moi, à la fin, je me rappelle, j'avais réécouté l'épisode, puis je m'étais dit, Colin, je suis passé à côté de la traque. Ouais. La plupart du monde, c'est ça qui est arrivé. Ils ont tout reproché qu'un piece, ah, c'est pas assez gore, c'est pas comme Trick or Treat. Oui, mais justement, le réalisateur a pas voulu juste faire une pseudo suite de Noël à Trick or Treat. C'est autrement. Le gars, il connaît son horreur, il connaît ce qu'il fait. Tu sais, Trick or Treat, c'est la meilleure anthologie qu'on a eue depuis Creepshow. C'est dans le même style. On aimait ça. Là, il voulait offrir quelque chose qu'on n'avait plus de nos jours, des films à la Gremlins ou The Witches, puis il l'a fait à Krampus, puis le monde l'a mal abordé. Steven, c'est le revers de ce que je dis quand je dis moi j'écoute plus de bande-annonce. Ça, c'est le revers. C'est que je sais plus à quoi m'attendre non plus. Fait que quand ouais, j'écoute la bande-annonce ne vendait pas de même. Non, mais même moi, pas. De toute façon, mais je me suis pas informée du tout. Fait que j'écoute un film avec mon regard d'aujourd'hui de femme de 28 ans. J'ai-tu 28? Je suis dans 88. Faites le calcul. Puis je l'écoute, puis je fais comme je comprends pas ce qui va en venir. Mais si je l'avais écouté à 8 ans, là, j'aurais compris, puis là, j'aurais embarqué. Fait que t'as raison que j'ai eu une mauvaise lecture de Krampus. Et c'est aujourd'hui, je le dis. Elle a admis ses torts. Elle a grandi aujourd'hui. Je suis grand maintenant. Ben, écoutez, je vais poursuivre cette critique de Steven, mais pour y aller dans le même sens que Steven. Parce que moi aussi, c'est... C'est quelque chose qui m'a vraiment fait triper The Witches quand j'étais jeune. Et c'est bon ce que tu dis, Steven, par rapport à... c'est là pour nous faire peur, puis on s'en fout. Puis Vicky, il l'amuse. Je comprends pas. C'est parce que Jeff, il s'emmerde tellement. Il est là, puis il est poussé à son micro. C'est pas la soirée à Jeff, ça. Oublie ça. Non, c'est vraiment pas la soirée à Jeff. Il a vraiment comme replacé son micro, on l'a poussé dedans, puis j'étais comme une chance qu'il fait le montage. Je sais pas ce qu'il ferait ça t'asseoir. Eh hey boy! Tantôt, t'as poché ton micro, j'ai fait « Ah, ok, il y a de quoi à dire. » Ah, non, non. Il a juste c'est... Alors, je vais continuer pour avoir un peu de contenu. Mais non, ben moi, c'est ça, The Witches, j'avais vu ça quand j'étais jeune, et ça m'avait foutu la trouille au point d'avoir créé des cauchemars chez moi qui me suivent encore. Il y a eu des patterns de cauchemars qui ont été créés par The Witches et qui aujourd'hui sont toujours là. Et c'est ben quand j'étais jeune, déjà là, la scène que tu parles de la sorcière pendant que Luke est dans sa cabane dans l'arbre, puis la sorcière qui vient le voir puis qui dit viens voir mon serpent, blablabla, bla, bla, son regard, puis le fond de ses yeux mauves, parce que bon, tu l'as pas dit, mais un des codes pour reconnaître une sorcière, c'est qu'ils ont le fond des yeux mauves. Mais c'est donc bien fréquent si un jour tu rencontres quelqu'un dans la rue, puis tu le regardes dans les yeux, puis tu fais comme « Shit! C'est quoi ça? » Puis après ça, tu regardes, puis « Viens voir mon serpent. J'ai des barres de chocolat. »« Non, what? » Puis là, tu sais, il est là, puis il crie à sa grand-mère. « Grand-mère, puis « Ah, t'entends pas ta grand-mère. » Puis t'es comme « Qu'est-ce qui se passe? Comment il va s'en sortir? » Finalement, la grand-mère l'entend. Mais c'est foutrement freak. L'idée de la petite fille qui a été kidnappée, mais qui a été foutue d'une peinture, puis qu'ils l'ont avoué à différents endroits dans la peinture, puis qu'elle a vieilli. Hey, ça fait peur. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille-là? Là, t'sais? Puis qui a un rappel de ça quand il rentre dans le lobby de l'hôtel, puis que la chef des sorcières. Elle regarde une peinture, il y a une petite fille, elle donne deux, trois petits coups à la peinture avec un sourire, puis en s'en allant, la petite fille disparaît. Tu fais comme, il y avait une petite fille enfermée dans cette peinture-là, puis elle vient de la tuer. C'est quoi ça, tu sais? C'est fucked up, ben raide. Tu sais, mais c'est toujours amené. Puis là, je veux continuer avec mon autre élément qui m'a fait peur, puis c'est la séance du conseil, évidemment. Mais moi, ce qui me fait peur dans cette séance-là, c'est pas le fait qu'on voit les sorcières ou quoi que ce soit. C'est le fait que Luke est dans son coin et il est juste là à se dire « Faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, faut pas que je me fasse voir. » Et ça, c'est mon pattern de cauchemar quand je vous parlais. Le nombre de cauchemars que je peux faire où je suis dans une situation où je me dis, genre, je suis couché en dessous d'une table, en dessous d'un lit, quoi que ce soit, puis il y a quelque chose autour, puis je me dis « Faut pas que je me fasse voir, faut pas que je me fasse voir, faut pas que je me fasse voir. » C'est ça, là. Le cauchemar de le danger est tout autour. T'es caché, t'es reclus dans un coin et tu peux pas t'en sortir, à part si t'es chanceux. Ah, c'est malade. Cette séquence-là me fout la trouille, tu sais. Puis justement, toute la poursuite, parce que peu importe où ce qui sauve, il y a des sorcières partout. Tu fais comme, il y en a pas d'issue. Pour moi, ça me rappelle bon, c'est la deuxième fois que je vais le dire à soi, ça m'appelle un Invasion of the Body Snatcher. C'est comme amener la société autour de toi, le cocon où tu es, l'endroit où tu es, est pas sécuritaire. Tu n'es plus en sécurité nulle part. Et finalement, la seule sécurité que Luke finit par avoir, c'est de se faire transformer en souris. C'est le fait de ne plus pouvoir se faire voir, c'est le fait de se cacher, c'est le fait de, puis de d'être considéré tout d'un coup comme inoffensif. Puis c'est là que le film devient un peu plus le film pour enfants. Et c'est ça que j'aime dans Les Sorcières, c'est que même s'il y a des éléments vraiment effrayants, comme la sorcière suprême avec son masque de fou, toutes ces séquences-là, je parlais, la structure narrative de ce film-là est un film vraiment pour enfants. Si tu enlèves ces façons de faire-là qui sont un peu effrayantes, ce film-là devient un film bonbon pour enfants qui n'aurait pas marqué personne. Tu sais, c'est simple. On commence, les 10 premières minutes, c'est mise en situation. On t'explique qu'est-ce que c'est les sorcières. Élément déclencheur, les parents de Luc meurent. Il vit avec sa grand-mère. On s'en va à l'hôtel. Bang! Toutes les sorcières sont là. Hey, quel hasard, ça tombe bien. Luc se fait avoir. Puis il se fait transformer en souris, là, puis deux minutes après avoir été transformé en souris, il est déjà bien, tu sais, c'est déjà comme, ok, cool, je suis en souris, c'est pas grave, viens grandement, j'ai trouvé un plan, on va détruire les sorcières, tu sais, voyons donc, tu sais, il n'y a pas de transition, c'est comme, j'ai été transformé en souris, salut grandement, je suis une souris, j'ai un plan, on détruit les sorcières, on met le plan à exécution, bang, le film est fini. Tu sais, c'est vraiment structure narrative de base de film pour enfants, et c'est là que je pense que le film vient rattraper un peu toute cette ce côté effrayant-là, c'est que en bout de ligne, les enfants se finissent avec une fin super heureuse. C'est l'enfant qui est le héros du film. Tu sais, puis tout est bien qui finit bien. Bon, à part que ses parents sont morts, là. Ça, même moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était une sorcière qu'ils avaient tué et rendu là. J'étais rendu parano. J'étais sûr que c'était une sorcière qui avait tué les parents. mais c'est ça. Ce film-là puis je pense que c'est la manière de faire ça, le film pour enfants effrayant, c'est de raconter une histoire enfantine, mais de juste la réaliser avec des éléments vraiment effrayants. Mais il faut faire confiance à notre scénario, comme quoi qu'on a quelque chose de tellement de base que l'enfant va s'y retrouver, puis à la fin, même si oui, il va avoir des cauchemars, tout ça, ça va devenir un film qu'il va aimer. Parce que, tu sais, même si, c'est ça, là, quand tu l'as dit toi aussi, Steven, puis je sais pas pour vous autres, Vicky, Jean-François, mais même si je l'ai vu quand j'étais jeune, puis ça m'avait foutu la chienne, combien de fois j'ai vu La Sorcière en l'appréciant encore, là, tu sais, en me disant, oui, les sorcières, puis tu sais, oh non, c'est vrai, j'aime pas ça, ce bout-là. c'est le bonheur de ces films-là. Oui, aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment des bouts que j'ai fait comme ah, ça, c'est le bout qui me faisait vraiment peur. Ah, ok, ouais, non, c'est ça, ça fait peur à un enfant. Mais c'est pas grave, tu sais, parce que j'ai vraiment apprécié mon film pareil. Puis justement, j'aimais le débit de ce film-là. Le film a jamais eu une putain de longueur. Je suis pas sûr qu'il y a deux secondes de longueur. Tous les éléments du film sont tout le temps importants. Même, on l'a dit tantôt, Luc rencontre Bruno, c'est salut, ouais, moi j'aime ça manger. Ok, bye, on va se revoir tantôt, je pense. C'est tout, là, tu sais. La personne est reconnue. Tu sais, c'est ça. OK, Bruno, on sait c'est qui. C'est un gros qui mange. Bang! Tu sais, c'est le troisième personnage principal du film, tout d'un coup. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a une naïveté, puis je crois que le réalisateur en est conscient. Il fait confiance en cette naïveté-là sans prendre les spectateurs pour des imbéciles. Et voilà pourquoi The Witches est un... incontournable dans ce qu'on pourrait dire les films d'horreur familiaux. Jeff, Vicky, lequel qui va en premier? Voire en troisième? Je peux bien y aller. Quatrième? Non, je sais pas. Vas-y, Jeff. OK. Ben, premièrement, c'est ça. J'ai plusieurs petites affaires à parler. Puis je veux rebondir sur ce que tu as dit aussi, une couple de choses que tu as dit. Mais bon, premièrement, je voulais pas... aujourd'hui, j'ai pensé sérieusement à vous caler et dire « Ah, je fais pas l'épisode parce que j'ai pas trippé tant que sur le film non plus, fait que j'avais rien à dire. » J'ai mais lavé je me mon dit... micro. J'ai non, lavé mon ça. Micro. Je peux pas trippé, mais je ferais pas l'épisode. Mais c'est ça, je voulais pas... Je veux pas rendre personne down avec mes opinions. Fait que c'est ça, je sais que les films sont vraiment appréciés et tout, fait que je veux pas non, chier le monde. Là. T'sais, j'suis pas, quand là, pour... Steven donne une opinion de merde, on s'amuse de tout ça. Fait que, ah ouais, vas-y. Ouais, non, c'est ça. Mais OK. Ben, t'as... je vais y aller en ordre de notes que j'ai pris depuis tantôt, mais t'as pas parlé du fait que ça vient d'un roman de Roald Dahl, puis qui a écrit, entre autres, Le Fantastique Mr. Fox, James et la Pêche Géante, mais surtout Willy Wonka, Charlie de la Chocolaterie. Puis il y a beaucoup, beaucoup de parallèles avec ça, je veux dire. Willy Wonka est un film extrêmement cruel envers les enfants. Oui, vraiment. T'as un petit garçon avec son grand-père, là, t'as un petit garçon avec sa grand-mère, puis t'as un personnage central méchant, t'sais, comme Willy Wonka, là, t'as la grande prêtresse, tout ça, des sorcières. Sauf que celui-là, comme tu dis, c'est un scénario pour enfants, c'est une structure de film pour enfants, plus que Willy Wonka, selon moi. Et t'as oui, pas, je pense que oui. C'est ça, puis t'sais, mon gros problème avec le film vient surtout, je pense, de l'acteur ou du personnage de Luke. Je suis pas trop sûr, faudrait que je lise le roman pour savoir, mais je trouve que Luke est trop plate comme personnage. T'sais, mettons, tu prends un film de jeunesse des années 80, comme, mettons, Back to the Future. Après deux minutes, les Goonies. Là. Après deux minutes, t'es embarqué avec Marty. Les Goonies, les Monster Squad. Monster Squad a beaucoup plus de psychologie chez les enfants, dans leur cabane, quand ils parlent ensemble, tout ça. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Luke, je suis jamais capable de m'attacher à lui. Il est plate. Il fait avancer l'histoire, c'est tout. Ben, c'est ça. Mais il n'y a pas de personnalité. Il est beige comme ça se peut pas, là, tu sais. Fait que, la grand-mère est plus intéressante que lui. Là. Oui. Puis moi, je pense que mon bout préféré du film, c'est l'histoire du début avec la petite fille, puis la passe du tableau, tout ça. C'est le bout le plus creepy pour moi. Je me souviens pas quand j'ai vu le film pour la première fois. Je l'ai peut-être déjà vu une couple de fois, mais c'était un vague souvenir. Tu sais, je me rappelais de la passe de transformation. Tu sais, je me rappelais des sorcières, je me rappelais des souris, transformation en souris. Mais je peux pas dire que j'étais traumatisé. Par contre, moi, j'ai vu genre le Loup-garou de Londres quand j'avais 6 ans. Fait que, ça m'a plus traumatisé. Fait que, je pense que Les Sorcières est arrivé trop tard dans ma vie. Là, un film qui m'a donné des cauchemars, genre, moi, personnellement, c'est Pet Sematary à la même époque. T'sais. Fait que The Witches... On se rappellera d'Elsa. Ouais, exactement. Zelda. Zelda, excuse-moi. Mais fait que The Witches, c'était... je sais pas... Fait que j'ai pas été marqué par ça. Puis là, je l'ai revu. Écoute, en 90, t'avais quoi? T'avais 18 ans? 13 ans. 13 ans. Exagère pas. Mais non, c'est ça. T'sais. Puis... Fait que je l'ai regardé hier soir puis avec mes yeux d'adulte. Puis j'étais comme, OK, c'est correct, sans plus. Là, t'sais. Puis vers la dernière demi-heure, je m'emmerdais un peu. Là. J'étais comme, tu sais, j'embarque pas dans l'histoire de Luke. T'sais, je m'intéresse pas à lui. Bruno, comme on l'a dit, c'est un cliché. À part les effets spéciaux que je trouve cool, Rowan Atkinson que je trouve drôle de le voir là-dedans, puis tu sais, je peux pas m'empêcher de rire en y voyant en face à chaque fois parce que c'est Mr. Bean. Y a pas grand-chose qui m'accroche là-dedans, puis tu sais, le jeu d'Angelica Houston, oui, c'est génial, mais sinon, tu sais, je trouve que les sorcières sont pas si menaçantes que ça à mes yeux, à moi d'adulte, parce que je les trouve trop évidentes, elles sont vraiment pas subtiles, tandis que la grand-mère, au début du film, a dit « Ils se cachent en société, tu vas avoir de la misère à les trouver, faut que tu saches vraiment quoi regarder. » Mais non, mais ils sont super faciles à trouver. Puis en plus, une des premières règles de la grand-mère, c'est comme ils s'habillent en vêtements de tous les jours, je sais pas trop quoi, tu sais. Puis dès que tu vois la grande prêtresse être habillée en beaux vêtements, super chic, avec son chapeau, puis tout, c'est comme, OK, ça fit pas partout avec les règles de la grand-mère, là, tu sais. Ouais, mais c'est la suprême, là, c'est pas pareil. Là. Ouais, mais elle se cache pas, tu sais, ils sont vraiment pas subtils. Puis ils ont tellement pas avec son rôle d'être la directrice du truc pour protéger les enfants. Mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire. On aurait préféré une belle petite mamie, tu sais. Ouais, c'est ça. Une belle petite mamie super douce, là, tu sais, qu'on aurait fait comme, oh, c'est une sorcière! Puis, avec mes yeux d'adulte, je trouve que toutes les sorcières ont l'air nounounes. Ils ont vraiment l'air épaisses, toute la gang. Ils n'ont pas l'air méchantes. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils font. Là, ils ont l'air vraiment nounounes. Là. Tu vois, ça, c'est peut-être une façon d'un peu de faire en sorte que le film est un petit peu moins peu. Hein? Oui. T'imagines-tu si les 90 sorcières étaient vraiment dangereuses? Ah ouais, là, ça serait d'autres choses. Ça n'aurait pas de sens. Il y aurait des cadavres dans l'hôtel partout. Là, mais ils sont pas efficaces comme quand ils courent après dans la falaise. Non, ça n'a pas de bon sens. Il y en a une là, qui fait juste tendre son bras vraiment loin, puis elle fait, tu sais, là, elle essaie de le grabber, mais elle est vraiment loin, genre. Mais comme descendre dans la falaise, tu le pognerais, mais en même temps... Tu veux faire peur à quelqu'un qui a 10 ans quand tu fais le film, ça fait peur. Oui, non, je comprends. Ouais. C'est ça, je dis, je veux pas cracher là-dessus. Je comprends que pour les enfants, mais c'est ça, quand tu le regardes de nos jours avec nos yeux d'adultes, comme, non, ils sont pas efficaces, les sorcières, pour moi. T'sais. Fait que non, je le regardais hier, puis j'étais comme désintéressé tout le long, puis j'avais pas grand-chose à dire, fait que je vais m'en tenir à ça. Là, c'était pas mal ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ça. Hey, juste avant qu'on passe à Vicky Suprême, j'ai... Il y a comme quelque chose qui m'a fait capoter. Puis j'ai oublié de le mentionner. Il y avait de quoi dans le jeu d'Angelica Houston. Puis quand j'étais jeune, je saisissais pas c'est quoi qui me faisait capoter dans son jeu. Mais là, je l'ai vu. C'est un peu malsain. Mais quand Bruno rentre dans la pièce, hein? Quand Bruno rentre dans la pièce où il y a toutes les sorcières, Angelica Houston, elle fait signe de venir, mais on dirait qu'elle est vraiment en train de jouir. Oui, c'est érotique. C'est hyper érotisant, là. Elle a, puis, tu sais, puis en plus, le geste avec ses deux doigts, c'était comme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déhanche beaucoup. Hein, oui, elle se déhanche. On dirait qu'elle va se frotter. J'ai malade. J'étais comme, mais... OK, quand j'étais jeune, je pouvais pas voir ça, tu sais, c'est impossible, tu sais, c'est trop subtil, mais en tant qu'adulte, à ce temps, je le regardais et j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, c'est malade. Totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Puis là, je voyais tout parler, puis là, il y a personne qui parle du fait que c'est érotique, je vais peut-être pas le dire, je vais passer weirdo, mais moi, là, j'ai écouté ce film-là, j'avais à peu près 10 ans, et au contraire, là, c'était hyper érotique. Puis là, je l'ai réécouté avec un gros malaise. J'étais comme, je trouvais ça érotique dans le temps. Moi, okay. Je suis dans l'autre position parce que, tu sais, comme Steven me dit, c'est pédophile, et très, très pédophile. Moi, c'est le même, je le vois aussi, mais moi, je suis dans l'autre position parce que je suis la fille. Ouais. Fait que je suis en position de force dans ce film-là. Tu sais, moi, je me représente pas à Bruno, je me représente pas Luc, je me représente les sorcières. Ah, je pensais que tu allais dire la grand-mère. Je pensais que t'allais dire la grand-mère. Non, je suis Angelica Houston 100 fois. Ah oui, c'est sûr. En position hyper érotique de force par rapport à deux petits gars. C'est moi qui ai le power. Ça sent qu'il croche en esthétique, là. Mais oui, mais là, je le réécoutais à 28 ans, j'étais comme, calice, t'es fucké l'anglois. Oh my God! Je pourrais plus jamais revoir The Witches d'un angle normal maintenant, merci. Je le sais, c'est de ma faute, je comprends. Mais moi, là, si je peux y aller avec ma critique, probablement, je pense que tout avait été dit du côté. En tout cas, c'est vraiment... Jean, t'avais poussé ton micro avant. C'est beau, tu peux y aller. Mais ouais. Moi aussi, c'est un film d'enfance, puis j'ai cassé les oreilles souvent les gens avec Evil Dead, comme quoi c'était le film que j'écoutais gros quand j'étais jeune. Mais je le disais pas pour pas atténuer l'impact d'Evil Dead, parce que c'est vraiment celui-là qui a le plus frappé. Mais en deuxième position, c'était The Witches. Et encore une fois, c'est un film copié de quelque part par ma mère. Fait que sur la bande, c'est écrit Les Mille et Une Sorcières. Fait que pour moi, ce film-là s'appelle Les Mille et Une Sorcières. C'est bien drôle. Fait comme Evil Dead, pour moi, c'est Opéra de la Terreur. Là, ouais, mais en tout cas, c'est le titre en français, ouais. Oui, c'est ça, mais peut-être que c'est un titre en français inconnu, là, Les Mille et Une Sorcières, vous le savez pas, où est-ce que ma mère a pu avoir trouvé cette cassette-là? Un truc érotique, sûrement. Ah, et voilà, merci, mais... Fait que... C'est ça, c'était tapé en deux bleues nuits, c'est pour ça que tu penses que c'était érotique. Non, mais il y a vraiment... Quand... Hey, OK, sérieux, là, toi, c'est cette scène-là, mais après, quand il pogne Luc, puis il couche tout sa table... What? What? OK, là. Attention, là, ça s'en va loin, là. Mais moi, j'ai son ange à Luc, fait que j'avais le droit de le coucher sur la table à ce moment-là. C'est malaisant, mais c'est tabarnache. Puis d'autre, as-tu du chocolat dans ta sacoche? C'est peut-être pour ça que j'aime pas le chocolat, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais non, c'est ça, moi, ce film-là, ça a vraiment marqué mon enfance, puis tu sais... Le réécouter, c'est un détail, là. Je veux dire, regardez, j'avais ce super coffret à la maison. Là. Ouais, fait que, tu sais, moi, réécouter ce film-là, tu sais, comme pour le bien de la chose, je vais le réécouter, mais je me souvenais de tout en détail. Je m'en souvenais, moi, quand la sorcière suprême a tapé le tableau dans l'hôtel. Moi, je m'en souvenais, puis là, j'étais là, puis, hey, c'était-tu dans mes souvenirs qu'il disparaissait ou il disparaissait pour vrai, puis là, il disparaît en faisant un bruit, j'étais comme, ah, je m'en souvenais! Je me souvenais de tout. Je me souvenais du chat, la grand-mère qui jette la pelote de laine, puis le chat qui joue après. Je me souvenais de ça. Je me souvenais de la folle en rouge qui applaudit pendant qu'il descend la falaise. Là. Fait que moi, j'écoutais... C'est parce qu'en fait, moi, je voulais tout le temps écouter Opéra de la Terreur, mais ça faisait peur à mes gardiennes. Fait que ma mère, elle a trouvé un film... moi, j'avais une grande sœur, vraiment, Moumoune, puis un petit frère aussi, Moumoune. Fait que j'avais pas le droit de l'écouter comme... en compagnie d'autres personnes. C'est logiquement un film d'horreur, tu écoutes ça avec d'autres personnes. Mais pas celui-là, j'avais pas le droit parce que je faisais peur à tout le monde en l'écoutant. Fait ma mère, elle avait trouvé un film, Les Mille et Une Sorcières, qui était un ton moins épeurant. Fait que c'est ça que j'écoutais quand j'avais le droit avec mes gardiennes ou quoi que ce soit. C'est ça qu'ils mettaient comme film pour que j'aie moins peur. Fait que pour que les autres autour de moi, en fait, aient moins peur de moi ou du film, je sais pas. Ça je me souvenais de tout. Je vous dis, là, je me souvenais de la maison. Il y a une amie, là, deux semaines, elle m'a dit « Hey, je me cherche une maison un peu style colonial anglais. » Tu sais, la blanche avec des lignes noires. « OK, ouais, comme dans Les Mille et Une Sorcières. » C'est dans le film, hein, il y a un plan où on voit cette maison-là. Fouille-moi okay. Pourquoi, mais je me souvenais de ce plan-là. Vous regarderez le film, il y a un plan avec la maison. Elle est noire, elle est blanche avec des lignes noires. Oui, je sais de quoi tu parles. Oui, mais moi, c'était tous ces détails-là. Et il y a quelque chose aussi que je me souvenais, mais que je voyais pas que ça faisait aucun sens. En le réécoutant, j'ai vu que ça fait aucun sens. Quand la grand-mère, en narrateur, a dit « J'ai pas déménagé en Amérique, je suis restée... » Pourquoi ouais. Qu'elle dit ça? À qui qu'elle parle? Puis elle le fait pas avant, puis elle le fait pas après. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais comme, OK, pourquoi tout d'un coup elle nous parle à nous autres? Là? Ça fait au moins 15 minutes que le film est commencé, puis sa narration est à nous autres, puis après ça, ça arrive plus. Pierre, ça revient pas partout, partout, partout, même pas à la fin du film. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est-tu parce qu'il s'est rendu compte au montage qu'il avait besoin d'une scène, tu sais, de quelque chose pour nous l'expliquer ou quoi que ce soit, puis t'as fait même pas temps, besoin j'aurais... de ça, tu sais. Ben, moi, c'est-tu quoi? Je me suis dit, hein, le film, il est-tu basé sur un livre pour qu'il y ait ça? Parce que sérieux, on n'a pas besoin. On savait même pas au début qu'il était chez sa grand-mère. On parle qu'il était pas dans le même pays que sa grand-mère. T'sais, on s'en foutait bien. C'est effectivement non. Basé sur un livre, mais est-ce que c'est parlé du point de vue de la grand-mère, du point de vue du petit, ça, je sais pas. Ça. Ben, c'était vraiment étrange que tout d'un coup. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment le film parfait, je pense, qu'il faut regarder, comme disait très bien Steven, avec un regard d'enfant. Puis c'est le genre de film que tu veux faire écouter à tes enfants un peu plus vieux que je l'étais à l'époque, bien sûr, mais. Tu sais, un enfant de 10, 12 ans, 12, 13 ans, là, que tu veux faire peur un petit peu, mais non, parce que ça finit bien, Sam. Pour vrai, ça finit vraiment. Non, non, non, non, non, je me disais, oh, un 8, 9 ans. Ouais. Ça finit vraiment bien. Ça fait pas peur parce que ça finit bien. Au contraire, ma mère me faisait écouter ça, je sais pas. Vraiment mal, les modèles. Puis ça, si je peux rajouter quelque chose, l'auteur du roman a détesté le film à cause de ça, parce que je pense que le roman se finit que le petit garçon veut rester en souris, il veut rien savoir de devenir humain, puis il a détesté la fin à cause de ça. Mais j'avoue qu'à la fin, on apprécie le fait que ce soit une souris, puis ça a l'air vraiment cool. Je me rappelais que quand j'étais jeune, j'aimais pas ça, le fait qu'il devienne un humain. Ben, je trouve que ça arrive de nulle part, un peu la femme qui est comme, ok, la sorcière qui est comme tout à coup gentille, puis qui ramène tout le monde à leur état... normal, je trouve que ça arrive un peu de nulle part. Là, c'est comme, ok. Mais Luc est content d'être une souris, mais Bruno peut-être moins. Mais c'est parce qu'on s'en crisse de Bruno. Ouais, c'est ça. Il est full cute, puis il mange tout le temps des cacahuètes séchées à l'air froid. Hey, l'avez-vous écouté en anglais ou en français, vous autres? En français, je l'ai réécouté en anglais. En anglais, Sam, Steven en français, puis Jeff? Anglais. Okay. Je voulais le réécouter en français puis parce que je voulais retrouver ma traduction de quand j'étais jeune. Ouais. Malheureusement. Tu es habitué avec la traduction. Non, moi, Moutou, comme Seb, je me suis dit, je vais l'écouter en anglais, voir peut-être qu'il y a des différences. Puis c'est vraiment drôle, là, je l'ai écouté, je vous avais vu, là, c'est vraiment un DVD original. Ouais. Sur mon DVD portatif, puis en anglais, j'entendais presque rien de volume au fond, puis en français, même pas volume au milieu, puis j'entendais bien. Fait les vieux films-là, c'est souvent ça. Ouais, fait que j'ai comme été pognée pour l'écouter. Ben, j'étais contente de l'écouter en français, mais je le prêtais à l'exercice de la version originale. Mais en français, il sortait plus fort. Fait que j'ai été pognée pour l'écouter en français de toute façon. Luke est vraiment très mauvais en anglais, je te dis. Qu'est-ce qui est mauvais en anglais? Luke est vraiment mauvais en anglais. Là. En plus, ok. Ouais. Parce que tu sais, on s'entend que Luke est pas. Ben, en fait, c'est plus les sorcières, elles sont pas si wise que ça. Tu sais, je veux dire, il s'enfuit en passant entre les jambes d'une des madames. Combien de madames, là? Tu sais, là, quand il s'enfuit la première fois, là, tu sais. Il passe vraiment entre tes jambes. Oui. Elle essaie juste de clapper des mains pour le poignet, t'es comme, assis-toi. Très drôle. Puis là, ça deviendrait érotique encore plus. Hey, oui. Hey, une sorcière assise d'en face à Luc. Mais moi, en même temps, je sais pas pour Jeff, là, mais je trouve qu'on voit pas assez souvent Angelica Houston. Puis on n'exploite pas assez son talent. Elle a vraiment un talent diversifié. Puis ce film-là vient le confirmer quand tu vois les autres films de sa filmographie. Ben oui, c'est une des plus grandes actrices de sa génération, selon moi. Ah ouais. On ne voit pas assez. C'est triste qu'on la voit pas assez. Il y a de quoi en anglais, par exemple. Angelica Houston se crée un accent. Je ne l'ai pas souvent entendu parler en anglais, mais c'est-tu son accent normal, Jeff? Non, je pourrais pas dire, je sais pas. Parce qu'elle a tout qu'un accent, elle a tout qu'un parler là-dedans. Et ben, j'ai lu dans les trivia que au départ, c'était supposé être Cher. Mais vu qu'elle n'était pas disponible à cause qu'elle faisait le film Mermaids, ils ont pris Angelica Houston. Qu'est-ce que vous auriez pensé de Cher dans ce rôle-là? C'est pas la première fois, c'est donc bien drôle. Ou à moins que ça soit sur ce film-là, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a une biographie d'Angelica Houston qui est sortie l'été dernier. Puis j'en ai entendu parler dans une émission à Radio-Canada, puis ça m'intéressait vraiment d'aller. Puis justement, il disait qu'elle et Cher étaient constamment en combat pour des rôles. Mais ils ont même casting. Fait que... Mais ça a l'air qu'elle, là, elle faisait des... Vous pouvez le voir sur YouTube, là, elle faisait des parades de mode. Et sur le walk, là, elle faisait des expressions de chat où elle se mettait les mains par-dessus la tête à la fin du walk. Mais ça sortait de nulle part. Ou des fois, elle fait vraiment arriver au bout du walk, puis repartir. Genre. C'était pas dans le show. Fait que tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est une personne qui a énormément de personnalité. Puis je trouve que ça transcende dans ce film-là. Pour vrai, là, ça elle dégage quelque chose dans ce film-là, c'est incroyable. Mais c'est elle qui fait ce film-là, là. C'est le film ne serait pas ça sans elle. C'est sûr et certain. Ben, comme juste... Gene Wilder fait Willy Wonka du même auteur, tu sais, dans un sens, tu sais. Oui, c'est ça. Si c'était pas Gene Wilder, Willy Wonka serait pas ça. Là. Parce que tu prends Johnny Depp dans le même rôle puis ça tombe à plat. Là. Excusez, j'ai entendu Johnny Depp, Willy Wonka, j'ai eu une réaction. Non, mais écoute, Gene Wilder, là. On ferait un remake de The Witches, il n'y a pas grand monde qui prend à côté Angelica Houston. Là. Juste quand il est en souris puis il y a son masque qui tombe, t'as super peur, mais c'est son masque. Ouais. Mais même son masque a une présence. Oui. Je prendrais peut-être chose dans Emerald Grove, là. Famke Jensen. Oui. Ouais. Famke Jensen, si je faisais un remake, peut-être. Qui était justement dans 13 Ghosts, si je ne me trompe pas. Au palais, ouais, je me suis. Je me sais qu'il a fait Jean Grey puis Emerald Grove. Oui, mais... t'as raison d'être pour Jean Grey. Je prendrais elle pour faire un remake de. The Witches. Mais c'est ça. L'actrice est importante, puis c'est vrai que le film serait différent sans Angelica Houston, mais le réalisateur est crissement important aussi, puis je crois que le film serait vraiment pas ce qu'il est sans lui. J'ai aimé qu'il fasse des plans tout croche des fois ou des trucs. Une caméra très mobile, tu sais, puis c'est un style que tu vois pas pour un film pour enfants d'habitude. Là. Ça faisait très, très Peter Jackson dans ses débuts. Ouais. Puis Vicky disait qu'on s'en foutait d'où c'est que ça se passait, les décors, que c'est en Amérique ou pas, mais le fait que le film se déroule au début en Italie, si je me trompe pas, ça a sûrement rapport avec les origines du réalisateur qui tourne ses films ailleurs, mais ça procure vraiment une atmosphère encore plus. C'est pas qu'on se fout, c'est qu'on se fout qu'il soit pas allé en Amérique. Ah, OK. Parce que ce qu'elle dit, c'est après la mort des parents de Luc, je ne l'ai pas ramené en Amérique comme prévu. Ouais, moi aussi, cette phrase-là, j'ai tiqué là-dessus, puis j'étais comme... Non, c'est ça, je voulais dire, on s'en fout, mais c'est Norvège, me semble, par exemple. Norvège, non, oui, c'est ça. Parce que ça, je sais pas, moi, tout le fait que le film se déroule pas en Amérique, ça procure vraiment une atmosphère de plus, là. Les décors sont différents. Oui. Puis surtout quand on est plus jeune, tu sais, c'est des décors qu'on n'est pas habitué de voir, fait qu'il y a comme un petit malaise aussi à voir cette façon d'être là, tu sais... Tu te sens pas chez vous, tu n'as pas l'impression que c'est ton quartier, tu peux pas te reconnaître là-dedans, c'est pas le fun. Puis avec un des éléments de la finale, est-ce que vous auriez vu une suite à ça? Il y aurait possibilité d'une suite. La valise. Mais ça deviendrait juste une. Une chasse. Une chasse. Ouais. Ouais. Tu sais, puis une chasse où ce que les sorcières se font avoir, puis tu sais, il y aurait plus matière à vraiment se faire peur, tu sais, ce serait juste comme ah, on s'en va tuer des sorcières, tu sais. Ouais, de toute façon, je préfère la phrase de la grand-mère lorsque elle vient pour tuer l'autre sorcière suprême, puis elle dit la prochaine fois, je vais t'avoir, puis tu verras, puis elle a dit il n'y en aura pas de prochaine fois, puis pour moi, c'est ça, il n'y en aura pas de d'autres fois. Le film se termine, toutes les sorcières à Covation se font tuer, puis oui, il y en a d'autres dans le monde, mais tu sais, la suprême est morte. Fait, je vois pas qui c'est qui pourrait, mettons, prendre sa place ou essayer de faire d'autres choses. Ça a l'air qu'en Caroline du Nord, il y en a une excellente. Mais non, ben c'est ça. Ben moi, c'est drôle, quand j'étais jeune, je voyais cette finale-là, puis tout ce que je voyais, c'était le cash, puis je me disais comme, yeah, oh. Sorry, choqué, il n'y en a plus, des sorcières, OK, bye. Ouais. Soyez riches maintenant. Moi, en fait, je me disais, je veux des Legos, parce que je trouvais son train en Lego tellement hot. C'est plus le train que le cash que je voyais pas, le... Mais c'est... Vous, qu'est-ce que vous pensez de la bonne fée? Moi, je trouve que j'aimais ça parce que c'était sa rédemption aussi. Ben, quand j'étais jeune, moi, je pensais qu'elle était bonne fée tout le long. Tu sais, je pensais qu'elle était bonne fée depuis le début, puis qu'elle était juste cachée. C'était comme une... Un espion! Oui, c'est ça, c'était comme un espion. Puis là, quand je l'ai réécouté avec ma blonde, puis à un moment donné, ma blonde a fait comme, mais c'est donc ben soudain venu de nulle part, son revirement, tu sais, ouais. C'est genre... Toi, tu seras pas avec le SP, tu seras pas au SP avec nous autres. Puis là, qu'elle soit comme dans la chambre, puis elle dit genre une phrase. Ouais, ben, j'étais un peu tanné qu'ils me mettent toujours de côté. Puis là, oups, finalement, elle est pas morte. Et tu fais, bon, ben, hein, tiens, voilà, on a notre gentille sorcière qui est. C'est ça, quand t'es enfant, plus. Tu questionnes pas ce genre de structure-là, mais quand t'es adulte, fou. Tu fais, ça sort de nulle part un peu, là, cette affaire-là. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est avant ça, on la voit-tu faire vraiment de quoi de méchant ou quoi que ce soit? Pendant toute la réunion, elle apprécie énormément tout ce qui se passe à Luc puis Bruno, là, tu sais, elle rigole. C'est une personne qui est tannée de se faire traiter comme de la merde, je pense. Ouais, c'est ça, c'est juste ça, là, c'est genre, vous m'avez traité comme de la merde, mangez un char. Mais tu sais, elle avait pas vraiment un fond bon, tu sais. Si à un moment donné, on l'avait vu juste admettons, là, ça aurait pris juste une séquence où elle voit Luc en souris quelque part dans la chambre, tu sais, quand il arrive dans la chambre et qu'il essaie de sauver, qu'elle le voie puis qu'elle n'en parle pas. Tu sais, puis qu'on fasse comme oh, t'as peu, là. Ou la même chose dans la réunion de sorcières, qu'elle le voie puis qu'elle le voie puis qu'elle le dise pas. Ouais. Tu sais, ça aurait juste. Ça n'en prenait pas plus, hein. Mais qu'on fasse comme oh, OK, elle est gentille, peut-être, elle veut pas nécessairement le mal. Là, ça n'arrive pas quand il voit la petite bouteille dans la chambre, avant qu'il s'enfuit, elle la remarque pas, OK? Mais ça, je pense qu'elle l'avait remarqué. Non, c'est ça. C'est la sorcière suprême en plus qui va chercher son chat dehors, fait qu'elle le voit même pas dehors. Elle y va après. Et puis la grand-mère est top vieux en nosto dans cette séquence-là. Là. J'étais comme, elle regarde, là. Moi, j'avais il y a comme une drôle de relation entre la grand-mère et la sorcière suprême de « Ah, oh, je te reconnais! » Puis ça, puis j'étais comme ah, « Mais dites-nous, c'est quoi qui s'est passé? Ils se sont déjà vus? » Ça, quand, c'est un problème que j'ai eu avec le film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de background sur les personnages. Il n'y a pas de temps de... À part l'histoire du début, il n'y a pas grand-chose qu'on connaît sur les personnages. T'sais, ça va du point A au point B, du début à la fin, sans qu'on connaisse rien sur les personnages. T'sais. Surtout qu'ils nous annoncent qu'il y a de l'air de s'être passé de quoi entre les deux. Tu fais comme « Caroline, ça peut être intéressant. » Probablement qu'il y a tout ça dans le livre. Sérieusement, je pense que je vais lire le livre. Ça m'intéresse de ça. En savoir plus. Mais moi, je pense que c'est pas elle qui aurait coupé le doigt parce que on s'entend qu'on doit supposer que la sorcière suprême n'aurait pas laissé passer un enfant. On doit supposer? On doit supposer. Steven, excellente blague, Steven. Moi, je pense qu'elle est reconnue dans le milieu comme ayant échappé à une sorcière et ayant abrité un tableau d'un enfant kidnappé en toute connaissance de cause. Le tableau était chez ses parents. Là, tu sais. À la fin, il est chez elle. Ah ouais? Oh, voilà, OK. Quand que le. Tu sais, elle dit qu'à Mané, Ricole l'a vu disparaître, elle allait plus nourrir les canards, puis elle l'a plus. Il est rendu chez elle. Ah, j'avais pas remarqué ce détail-là. J'ai dit, je le connais par cœur. Là, ah, OK, moi, non, c'est. Il était rendu chez elle. Fait que moi, j'ai l'impression qu'elle est reconnue non pas comme une ennemie, mais comme quelqu'un qui sait. Tout simplement. Puis on s'entend que la sorcière suprême doit savoir tout. Fait qu'à mon avis, elle s'est confrontée à peut-être la même sorcière qui a kidnappé son amie. Puis sûrement que cette sorcière-là, il a dit, elle sait. Surveille-la, elle sait. Fait que c'est pour ça qu'elle l'a reconnue. Moi, c'est le même que je l'ai vu. T'sais, elle a le doigt coupé, mais elle est en vie. Fait qu'elle s'est coltinée à une sorcière à maner, puis la sorcière suprême, elle doit garder un portrait du monde de... Mais la grand-mère reconnaît la sorcière suprême. Donc, elle l'a déjà vu. Parce qu'elle mentionne les deux se reconnaissent. Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression. La grand-mère, c'est. Pour un esprit d'enfant, là, c'est la grand-mère, c'est. Ouais. Mais moi, il y a de quoi. C'est sûr qu'il y a de quoi dans le livre. Là. Tout ça, c'est. Jamais je croirais que c'est annoncé dans le film, puis que dans le livre, il n'y a rien. Puis, non, Jeff, si tu le lis, ça nous intéresserait. Oui, ça m'intéresse. Je pense que je vais me mettre là-dessus. Mais... Moi, je ne lirai pas. Lis-les pour nous autres, tu nous feras un résumé. On... Après ça, on fera un épisode Book versus Movie. C'est ça. Ah ouais, il faudrait le refaire avec Hamlet, mon vous dire. Et boum! Hey Vicky, vu qu'on est tous les deux dans le domaine de la restauration, qu'est-ce que t'as pensé de la scène du client qui trouve son poulet trop corsé et le grand chef, qu'est-ce qu'il fait avec son poulet trop corsé? Hey non, mais tous les clients puis toute la restauration, c'est comme tout le long. Quand la grand-mère, elle envoie chier le maître en disant qu'il est censé avoir ses souris, voyons, tabarnak de com, tu laisses pas des souris aller libre dans un hôtel. Là, ah après oui. Ça, t'as le monsieur qui s'en fout le fraîchis, je veux un potage au cresson. Fuck you, il y en a pas de potage au cresson, c'est pas pour toi. Asti, prends ton petit potage aux légumes, m'en fous. Nous allons pas quitter cette table, nous sommes bien. Ta gueule. Puis là, après ça, la cuisine qui ont peur d'une souris, qui coupe la queue de la souris avec son couteau de chef. L'autre qui liche sa cuillère à grosse lapin avant de quasiment la mettre dans le bol à la soupe. L'autre qui a peur d'une souris, mais qui continue à fouetter. Dans ce film-là, tout le monde a une phobie intense des souris. Tu sais, le chef est obligé d'avoir son verre de vin après parce qu'il shake. Là, c'est comme si c'était une souris. Puis, juste un petit détail pour ceux qui connaissent un peu la série de Downton Abbey. Pas vous trois, je pense, mais ceux qui nous écoutent peut-être connaissent. Mais dans la cuisine, il y avait justement le personnage de Carson de Downton Abbey qui était dans la cuisine. C'était le chef, justement. Puis il était dans le film Top Secret aussi en 1984 avec Val Kilmer. Tu pourras mettre un bruit de criquet au moment où tu parles de Downton Abbey. Exact. Mais ça m'a bien amusé de le revoir. De toute façon, c'est bien que tu le mentionnes, Jeff, parce qu'au moins maintenant, tu as 10 minutes de présence dans l'épisode. Oui. Sur 2h15 à peu près. Simone. Allez parler de Downton Abbey pour intéresser Jeff à toi. Mais non, pour répondre à ta question, Steven, la cuisine, ça marche pas. Le personnel, ça marche pas. Les clients, ça marche pas. C'est un film pour enfants. C'est vraiment. Ça, exactement. C'est ça. Non, mais en fait, ce que je voulais plus dire, c'est l'ajustement du cuisinier. Tu sais, moi, j'ai tout le temps l'image d'un cuisinier qui fait ça. C'est dégueulasse. Ah, mais non, moi, ce que je me suis posé de plus comme question à ce moment-là, c'est pourquoi Luc, il monte des culottes du cuisinier? T'es comme, veux-tu bien... t'en aller de là, ce que tu fais là, toi? Tu veux te sauver, tu veux pas t'en aller des culottes du cuisinier. Ben, il voulait pas se faire écraser, sûrement, juste ça. C'est peut-être pire. Oui, dans une cuisine, dans les frites, pis t'en vois pas, là. Elle est beige. Oh. Mais parlant des souris, j'ai vraiment aimé les séquences en souris, dans le sens que... quand les souris sont des marionnettes animatroniques, costumes, je sais pas, il y a plusieurs versions... Je les ai vraiment trouvé le fun. Mais j'ai vraiment aimé aussi les souris. Il y a vraiment des séquences... Hein? Qui font des cascades, là? Ben ouais, mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a même un moment où Luc, en souris, cherche quelque chose dans la pièce, dans la chambre de la sorcière suprême. Oui. Puis la souris s'arrête. Puis, on dirait qu'elle cherche quelque chose. Puis elle continue son chemin. Mais j'étais comme... C'est ça que je disais à ma blonde. Je dis, ben voyons donc, on dirait qu'elle vient de s'arrêter pour regarder quelque chose, puis elle continue son chemin. C'était malade, tu sais. Ouais. C'était flawless, ça. Toutes ces séquences-là de souris, là. T'embarques, là. Luc est une souris. Cette souris-là, c'est Luc. Quand Bruno, il mange de quoi en dessous de la scène, puis il fait, ah, toi aussi, t'es une souris, puis il dit, c'est pas parce que toi, t'es une souris que moi aussi, j'en suis une. Il s'en était pas rendu compte. Il est vraiment abruti. Il a vraiment aimé Bruno, là. Oui! Mais il est tout gros avec son olive. Oh, ouais, mais c'est le dernier film auquel Jim Henson a participé avant de mourir. Puis c'est le dernier film adapté d'un roman de Roald Dahl avant que l'auteur meure aussi. Fait que ces deux-là sont morts pas longtemps après ce film-là. Il avait pas fait les Tortues Ninja 2? Ben, je pense qu'il a participé, mais tu check sur Wikipédia, c'est bien marqué que sur la fiche du film que c'est le dernier film auquel il a participé de son vivant. C'est son équipe, je pense, qui a participé au... Mais Brian Henson, qui a fait des effets spéciaux aussi là-dessus, c'est son fils, il a continué le studio après ça. T'sais, les Noël des Mopettes, tout ça, tous les films des Mopettes qu'il y a eu dans les années 90, c'est Brian, ça. Je me souviens juste qu'à la fin d'un des films des Tortues Ninja, c'était genre en mémoire de Jim Henson. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'ils les ont designés, puis ils ont dû... ça devait pas faire longtemps qu'ils étaient morts, probablement. Probable. Est-ce qu'on a d'autres trucs à rajouter sur The Witches ou Downton Abbey? Non, je pense pas. Je vais y aller avec vos recommandations, les amis. Steven? Moi, c'est un achat assuré, classique de jeunesse qui a bien vieilli, qui va encore fonctionner auprès des jeunes, puis que j'ai du plaisir à revoir. Cool. Vicky? Ben moi aussi, je pense que c'est... Ben, pas je pense. C'est un achat parce que c'est un film de jeunesse que je vais réécouter. Mais je pense que c'est un film de jeunesse que vous pouvez faire écouter à vos enfants. Puis vu que c'est des marionnettes, ça passe pas date. Ça passe non. bien encore aujourd'hui. Vraiment. Ça vieillit bien, ces effets-là. T'écoutes encore Labyrinthe. Je trouve que c'est un film qui vieillit tellement bien. J'adore Labyrinthe. Jean-François? J'irai encore avec ma location, juste pour essayer, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Puis si vous avez grandi avec ce film-là, ben achetez-le. Là, ça va à peine, j'imagine. Moi, j'ai... C'est ça, une location. Ouais. Ben moi, c'est un achat assuré, surtout à même pas 8$ sur Amazon. On se pose pas la question. Là. C'est le genre de film que vous allez vouloir vous réécouter, puis un moment donné... Il me semble que c'est le genre de film là, d'un dimanche après-midi, il fait pas beau dehors, tu sais pas trop quoi écouter, tu files pas, hein, tu te mets ça à la TV, puis ça marche. Je veux un Blu-ray. Ouais, hein, ça serait beau. Mais ouais, mais toi, c'est ça, c'est parce que t'as déjà une édition DVD, puis j'imagine que là, tu fais comme, Christy, ça me prendrait un Blu-ray. Puis à un moment donné, ils vont sortir un Blu-ray, mais il va y avoir après ça une collection Jim Henson Blu-ray. Puis là, tu vas pas la racheter. Puis, à un moment donné, il va avoir aussi un steelbook avec The Witches. Là, avec un masque. Un masque. Ah oh, ouais, ce serait malade. T'as tout compris. Ah, mais c'est le livre. Tu sais, c'est le livre. Puis là, quand tu l'ouvres, t'as le DVD puis t'as un petit flacon à côté. Ah oui! Oh, ben regarde, c'est ça. Fait que Steven en a 5 versions. Il va vous en faire tirer 4 dans les prochaines semaines. C'est avantageux que j'achète des copies, je les redonne au concours de Rock Gamer. Colin. Concours pour la Patreon qu'on va vous donner des nouvelles après la pause. Oh. C'est ça. Et justement, cette pause sera une pause musicale, encore une fois, commanditée par nos amis de Boulevard Brutal, Sébastien Houd, qui nous suggère cette fois-ci une chanson de Gojira, et c'est Stranded, et on se retrouve après. Très bon titre. on est de retour pour cette conclusion d'épisode déjà fini. C'est pas comme si ça avait duré 2 heures. Non, honnêtement, vraiment content de cet épisode. C'était 2 très bons choix, quoi qu'en dise Jean-François. Je te laisse assez t'aider. J'ai plus de voix, moi, là. On vous promet, il n'y aura plus d'épisode de sorcière. Là. Vicky va. On n'en suggérera plus de films de sorcière. Là. Jeff va revenir. Mais avant de vous quitter et de parler d'autres choses, on voulait vous parler de notre Patreon. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une façon de faire des dons. C'est une formule participative pour donner à Horror Gamer et c'est une façon de nous remercier. Donc, allez sur notre site patreon.com/horrorgamer. Vous allez voir tous les buts de cette plateforme-là sont affichés. Donc, le but de payer l'hébergement, de payer les meilleurs logiciels de montage, meilleur équipement, de publiciser nos shows, tout ça. Tout ça dans le but de faire augmenter la qualité d'Horror Gamer. Et pour chaque don que vous faites, c'est des dons qui sont récurrents à chaque mois, vous allez voir, il y a une liste qui, selon le montant que vous donnez, vous décrit ce que ça vous rapporte et les récompenses sont nombreuses et vraiment intéressantes. Et là, qu'est-ce qu'il y a, JF? Ah, j'ai un fou rire à cause de Steven. C'est beau. Mon Dieu. Je faisais des conneries pendant que tu parlais. Ben, je sais bien, il fait tout à ça. Mais non, de toute façon, c'est bon, j'avais fini de parler de Patreon. On veut pas vous casser les oreilles avec ça. Mais c'est ça. C'est une belle façon de nous aider à améliorer le show qui. Même si c'est déjà très, très excellent, on vise quand même le top. Donc, hey, on avait des commentaires concernant les deux films sur les réseaux sociaux. Moi, je suis devant la page Facebook, mais si quelqu'un d'autre veut le lire, Jeff, tu avais de l'air prêt? Non? OK. Alors, il m'a fait signe que non. Des gros X. Non, ça va pas bien. Jeff, calme-toi. Calme-toi, je vais les lire. Jeff. Reste avec nous, Jeff. Pff, regarde cet épisode-là. Il veut vraiment rien faire à soi. Regarde, décolles. Non, c'est pas vrai, Dieu. Oh boy. Alors, voici sur les réseaux sociaux ce que les gens disent. C'est une mal ce film-là. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Non, on a Chantal, le roi brouillard. Je suis fatigante. Qui est là. Non, ça, c'est des farces aussi. On l'aime, Chantal. Qui nous dit « The Witches, also known as le film pour enfants le plus creepy au monde. J'adore ce film et j'adore Angelica Houston. The Witch, je l'ai écouté avec Steven hier. » Oh, ouais, Steven. Hein? J'ai adoré. C'est lent comme les frissons qui te montent tranquillement le long de la colonne et on aime ça de même. Sylvain Démenti, salut Sylvain, qui nous dit « The Witches m'a terrorisé quand j'étais petit. Même enfant, je me demandais comment un film pouvait être si méchant. Encore aujourd'hui, je le trouve pas mal hardcore pour les kids. » On a Daniel Leblanc qui nous dit « The Witch a été pour moi toute une surprise. J'avais entendu beaucoup de bons commentaires, mais j'ai tout de même réussi à garder mes attentes pas trop élevées. J'ai bien fait puisque j'ai adoré. C'est le genre de film au rythme lent qui te garde accroché avec son ambiance lourde et avec son histoire mystérieuse. La photographie est superbe et le jeu des acteurs est très bon. J'ai bien hâte de le revoir, probablement en programme double avec The Lords of Salem. » Ben écoute, Daniel, tu iras au resto à Vicky, je pense que c'est là que tu vas avoir ton compte. 48 Wellington Sud. D'accord. Et on a finalement Pascal Cyr qui nous dit « Moi, j'ai adoré The Witch. La direction photo est incroyable. Tout l'aspect psychologique des personnages est fascinant. Et que dire de Black Phillips et son côté obscur. Vraiment un film que j'ai déjà hâte de revoir. » Puis il y avait aussi ma cousine qui m'avait dit « J'ai vraiment pas aimé ça. » Mais ça, on en passe. passe par-dessus. Mais hey, là, il y a quelque chose qu'on veut rajouter dans l'Horror Gamer Show à partir de maintenant, c'est que à toutes les fois qu'on parle d'un film, il y en a comme une thématique plutôt, tout un plein d'autres films qu'on aurait le goût de jaser puis de conseiller aux gens. Et ben on s'est dit, on va faire une petite section suggestions. Et ben là, ça nous prend des suggestions de films de sorcières. Et Vicky, quelle est ta suggestion de film de sorcière pour les auditeurs? Ben moi, j'avais pas compris le concept, fait que je l'ai fait une par film. Ben vas-y, c'était quoi? Ben, t'en parleras la prochaine fois, mais t'as plus ben, jamais le droit à l'erreur. En fait, The Witches, j'ai fait un shotgun. Là. Je vous ai écrit, les gars, du shotgun à bracadabra, Hocus Pocus, là, parce que c'est comme ça, assez c'est évident que l'un vient avec l'autre. Là, sorcière de jeunesse avec Sarah Jessica Parker qui chante full sexy sur un ballet. tu apprends ça dans ton enfance. Ah oui, puis en plus, Jeanne Jessica Parker, elle a le bouton pour faire la sorcière. Tout est là. Fait que, une balleuse, man. Une balleuse. Je me suis dit, c'est ça. Mais aussi, tantôt, je parlais de Witch, puis les films McCarthy's, puis tout l'effet de sorcière de dénonciation. Vous l'avez avec The Crucible, un film avec Winona Ryder, qui est avec du scénariste, ben, en fait, qui a écrit la pièce de théâtre sur laquelle le film est basé. C'est Arthur Miller. Et c'est vraiment une pièce de théâtre qu'il a écrit pour dénoncer le McCarthy's qui avait lieu à Hollywood à ce moment-là. Dénoncer vraiment toutes les gens qui se pointaient du doigt, puis la folie qui était rendue à Hollywood au moment où on pointait tout le monde comme étant communiste. Il en a écrit une pièce de théâtre qui est devenue un film dans les années 90 de Crucible avec Winona Ryder. Et ça serait mon film correspondant à The Witch. Ben, c'est bon parce que t'es pas la première qui me parle de Crucible en même temps que The Witch. Donc, j'imagine que c'est très pertinent comme suggestion. Tellement pertinent. Me permets-tu une anecdote de 2 secondes et quart? Vas-y. C'est tellement pertinent qu'au secondaire, j'ai fait un oral en parlant des sorcières de Salem. Tout mon oral était basé sur ce film-là, pensant que c'était une histoire vraie, mais comme de A à Z, OK? Je savais pas que c'était Arthur Miller, là. J'étais en secondaire 1, OK? J'étais en secondaire 1, donnez-moi une chance. Correct. Mais ma prof s'en est jamais rendu compte. Ma prof, elle m'a écrit « Wow, bravo pour l'historique de tu connais ton sujet. » Mais tu sais, dans le temps, t'as fait ta recherche à la bibliothèque. C'est parfait, ça. Hey, mais j'en reviens pas. Aujourd'hui, j'en reviens pas. À l'époque, j'étais contente. J'avais fait de ma recherche sur un film que je croyais l'histoire vraie de Horace. En tout cas, une chance que c'était pas Star Wars. Jean-François, t'avais des suggestions pour nous? Oui, ben ça, c'est une bonne occasion, justement, de plugger des films, tu sais, qui rentrent des fois, qui sont nommés des fois quand on cherche des films à faire pour les épisodes, puis qu'on ça passe pas nécessairement, ou qu'on dit on prend d'autres choses qui est plus pertinent, mais je vais faire mon cinéphile un peu fendant qui va parler d'un vieux film noir et blanc, plate. 1943, un film danois. Donc oui, c'est en noir et blanc, puis il y a des sous-titres. Ça s'appelle « Jour de colère », en anglais « Day of Wrath ». C'est un film de Carl Theodor Dreyer, qui est un réalisateur danois qui a marqué l'histoire du cinéma avec plusieurs films. Celui-là raconte l'histoire d'une femme qui est prise un peu dans une relation un peu à la Donalda puis Séraphin, dans un mariage vraiment poche avec un homme plus vieux. Puis elle va tomber amoureuse du fils de son mari. Puis elle est accusée de... Éventuellement, plus tard dans le film, elle est accusée de sorcellerie. C'est dans un contexte qui se passe... Tu sais, ça se passe en 1623, puis dans un contexte où les femmes sont facilement accusées de sorcellerie. Puis c'est pas tant... C'est ce que j'ai... La différence avec The Witch de 2016, c'est que justement, c'est pas tant la religion qui prend... Tu sais, on dit pas les sorcières sont vraies ou sont pas vraies ou quelque chose du genre. Tu sais, c'est plus la réaction du monde autour. Ça devient super épeurant. Il y a un critique... je me souviens plus lequel, on voit ça sur la page Wikipédia, qui a dit de ce film-là, c'est peut-être le film le plus... Peux-tu répéter le titre? Day of Wrath, Jour de colère. Il dit, c'est peut-être le film le plus terrifiant sur un état totalitaire. Tu sais, comment est-ce que c'est de vivre là-dedans, dans un état où tu peux te faire accuser n'importe quand de sorcellerie, puis tu vas être envoyé au bûcher pour des niaiseries, là, tu sais, pour avoir trompé ton mari ou peu importe. Là, tu sais. Le film dure 1h30, on a l'impression qu'il en dure 3 heures. Je vous le dis, c'est super lent, il y a des sous-titres, c'est en danois, c'est en noir et blanc, mais Christ que j'aime ça. J'ai trouvé ça plus intéressant que The Witch. Oui. Voilà. Ben écoute, excellente suggestion, Jean-François. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui nous écoutait qui a pensé à ce film-là. Oui, et Steven? Moi, je l'ai déjà un petit peu plugué tout à l'heure, mais je vais y aller avec un de mes favoris qui ressort pas assez souvent, je trouve. Les sorcières d'Eastwick de George Miller. Parce que oui, George Miller, là, il n'y a pas juste Mad Max dans la vie. Il a fait d'autres films qui sont excellents. Et il y a Les sorcières d'Eastwick, où on a un excellent trio de Michelle Pfeiffer, Cher puis Suzanne Sarandon en 3 sorcières qui découvrent à peine leur pouvoir grâce à l'arrivée de mystérieux inconnus joué par Jack Nicholson, qui est en fait le diable. Qui de mieux pour jouer le diable que Jack Nicholson? Un de ses meilleurs rôles ever. Excellent trio. C'est une comédie noire. Mais quand je dis noire, t'as des gags qui sont vraiment politiquement incorrects, qui sont vraiment géniales. Je pense entre autres à une des scènes les plus mémorables de vomissage à la Exorciste, mais avec des tiges de cerises. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir ça. L'effet est écœurant. C'est vraiment le fun. C'est un divertissement qui a beaucoup d'énergie. Tous les acteurs s'amusent. La réalisation de Miller est excellente. Puis c'est un véritable petit classique qui mérite à être redécouvert. Et petite mention full rapide en arabe. Un autre qui se fait pas assez mentionner, mais l'excellent blockbuster Hansel et Gretel, Chasseur Witch Hunter. Under, ouais. Et je précise en version unrated, qui est important, puisque unrated, c'est vraiment une crise de différence. Là, c'est très gore par le réalisateur de Dead Snow. Putain de bon blockbuster, tu t'amuses, les sorcières sont hot, CGI, mélange de effets old school, tu t'amuses, c'est fait avec amour, passion. Très bon film. Mais je voulais juste mentionner, moi je vois des liens dans tout, là, fait que tu as parlé de Chair. Tout à l'heure, on a parlé de Chair parce qu'elle était supposée faire The Witches. Puis ouais. Dans Witches of Eastwick, il y a Jack Nicholson, comme tu as dit. Puis Jack Nicholson, mais pendant longtemps, il était marié avec Angelica Houston. Moi aussi, j'y ai voilà. pensé. L'effet Kevin Bacon. Puis je viens de réaliser que dans Hansel et Gretel, Witch Hunter, la chef des sorcières, c'est Famke Janssen. Fait que voilà. C'est ouais. là. Regarde, je suis pas original pour deux scènes. Quelqu'un y avait déjà pensé avant moi. Puis tout à l'heure, je me suis juste pensé que j'ai des idées originales. Tout à l'heure, je me suis trompé, c'était pas 13 Ghosts, c'est dans House on Haunted Hill qu'elle avait joué. Oui, le remake oui, de Haunted oui. Hill, ouais. Ben moi, je vais y aller avec une suggestion beaucoup trop évidente, mais. Tout d'abord, si j'étais Sylvain Desmentis, je sais qu'il est en train de se dire, y a-tu quelqu'un qui va dire The Craft? Ben non, Sylvain, il n'y a personne qui va dire The Craft, mais on t'aime quand même. Ben non, The Craft, ça reste un bon divertissement. Mais non, moi, je vais y aller avec de quoi de plus vraiment évident puis connu, mais juste parce qu'il faudrait écouter des fois. Suspiria. On oublie que c'est quand même une sorcière ouais. dans ce film-là. Et moi, je me souviendrai toujours la première fois que j'ai vu Suspiria, parce que je me disais, je trippe pas. Jusqu'à ce qu'arrive cette séquence finale avec la sorcière amie slash qui sort du garde-robe, avec le genre de petit speech avec sa voix gutturale qui, j'étais comme, oh tabarnak. Je fais juste pogner cette séquence-là sur YouTube, je la trouve vraiment écœurante. Donc. Non, c'est ça. Donc, on l'oublie, mais Suspiria est quand même un film de sorcière. Et, sur ça, est-ce qu'on a autre chose à mentionner? Ben, notre prochain épisode, les amis, qui nous a encore une fois été suggéré par Vicky. Voyons voir ce qu'en pensera Jean-François. Et non, c'est ta thématique, Vicky, c'est les vampires, les vampires étrangers. Venus d'ailleurs. Ouais. Les vampires venus d'ailleurs et non de l'espace. C'est pas un film de vampires non, de l'espace. Les vampires étrangers. Avec, t'as les titres devant toi, là, les deux oui. films? Le film Thirst de 2009 qui va faire bander Steven parce que c'est quand même Park Chan-wook qui a réalisé le film. Et le film de 2014 qui a quand même fait parler de lui, mais qui, d'après moi, va être intéressant à visionner. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et c'est A Girl Walks Home Alone at Night. Alors, ouais. Vraiment deux choix intéressants. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous pourrez nous dire vos opinions, soit sur le post Facebook qu'on fera éventuellement. Et sinon, il y a toujours notre site Internet où il y a la formule de contact. Même si on ne vous pose pas de questions, mais si vous avez des affaires à nous dire puis que vous voulez qu'on lise ça en ondes, allez-y, contactez-nous sur notre site. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir de vos courriels. Sur ce, Steven, bye. Mmh. Bye. Au revoir, Steven. Bye. Jean-François? Bye. Je vais me reposer Vicky. La voix un peu. Là. Vicky, elle dit bye. Rien, fait juste des beaux sourires. Bye. Non, mais je suis dans une photo où il y a un bout de lumière dans mon écran, puis on dirait que j'ai une auréole. Je suis enfin reconnu pour ce que je suis. Ben oui, toi, c'est vrai. Hein? C'est comme un bout de bizarre dans ton écran. Ouh, belle auréole rose en plus. Hey, toi, enfin tu l'as reconnu pour ce que je suis. Et bien, sur ça, tout le monde, au revoir et. Gardez ça horreur. Et j'aime beaucoup la présence d'animaux démoniaques dans le film, dont la chèvre Black Philip, qui représente... Vas-y, Seb, non, ta face me fait rire, vas-y. Comment ça, spoiler? C'est une face de spoiler, man. De spoiler? Ben, c'est pas un spoiler que la Black Philip représente de quoi? De démoniaque, là, je veux dire. Let's go! C'est beau. Il me semble que... Non, en tout cas, ben écoute, Jeff, tu veux prendre une cote pour enlever ma réplique? Comment ça, spoiler? Je veux dire, Black Phillip est sur tous les posters, puis dans le trailer. Ouais, t'as raison. Là, c'est parce que c'est d'animal démoniaque. J'ai juste l'impression que ça en disait beaucoup. Mais non, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai pas certifié que le gars était démoniaque, mais il est persifié par les enfants comme étant quelque chose de démoniaque parce qu'il leur parle. Oui, au début, les enfants disent que c'est la Black Phillip qui a dit que la fille est une chèvre. Chantal vient d'embarquer. La fille est une chèvre. Non. Un podcast d'horreur gamer ou du bras de fer des films sans l'intervention de Chantal serait pas le même. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Ok, écoute, tu recommenceras où est-ce que tu parles des animaux. Excuse-moi, puis je vais me la fermer. Ok. Au pire, gars, je vais même pas dire les animaux. Je vais le laisser passer, puis on en reviendra plus tard au pire dessus. Okay, j'ai pas pris de note là-dessus. Non, pardon, spoiler. Ok, je me débrouillerai. Excuse-moi, JF, je te donne la double montage. C'était supposé être short and sweet, mais. C'est bon. La fille tue tout le monde, c'est une sorcière, tabarnak! Elle vole! Elle vole!